Bienvenue à C'est fou le sexe, en ce 6 février 2018. À ma compagnie, bien sûr, le délicieux Pierre Soucy. Allô? La très encore malade, Natacha. Bon matin. Bon matin, Natacha, heureux de te revoir. Ben, moi aussi. Et la très ponctuelle, Mélanie. Hey, bonjour, Anthony. Oh, attends un petit peu. Bonjour, Anthony. Ah, ben, ça sonne cacane. J'ai une voix plus forte. Ça sonne cacane un peu. Ça sonne cacane un peu. Attends un petit peu. Et voilà. Qui se passe, allô. Là? Bonjour, Anthony. Hey, hey pour la préhistoire. Je suis là, Seigneur. Non, mes doigts ont fini par trouver le bon piton. Donc. Oh, quand même. Colin. Bon ben, je suis à la console, c'est normal. Ah, OK. Excuse-moi, Anthony. Tu vas te fouler quelque chose, Pierre. Oui, calme-toi. Oui, tu oui, vas je, te fouler je, quelque chose. Parce que je suis en démence un petit peu. Hein. Ça nous arrive tous une fois par semaine. J'avais lu un livre à un moment donné, un vieux livre hindou, qui disait que plus qu'on a des éjaculations, même quelqu'un... Ça commence fort, hein? Non, mais il y a une partie du cerveau qui descend dans la semence. Ah. Fait qu'à l'âge que j'ai, j'en ai plus. Ça fait longtemps que j'en ai plus. Ah, ben, coudonc, ça explique certaines choses. Il ah, y a des je sais pas si tout le monde entend ça, des filles, il y a comme... c'est pas stable le son, c'est une oreille à l'autre, puis... Ça, c'est tu dois voir les écouteurs que j'avais la semaine dernière. Oh, on fera un message. Pierre, le cannabis ne sera légal qu'à partir de juin. J'ai jamais pris de drogue de ma vie. Mais honnêtement, le... J'ai jamais pris de drogue de le ma joint vie. À la main. J'ai toujours été un enfant on se rappelle que tu as vécu dans le... Les années 70. Oui, les années 70. Je ne prenais pas de avec le vrai Woodstock et le cannabis plus naturel un peu. Moi, la seule drogue que je prenais à l'époque, c'était d'aspirer le corps féminin. Je ne sais pas pourquoi je comprends pas God. Ça. Ça me mettait complètement house. Le miel féminin. C'était pas du miel. Non, on n'a pas les mêmes repères non. Écoute. Remarque, je trouvais que c'était une belle formulation. La poésie érotique, ça te tenterait pas, Anthony? Ben oui, et c'est justement un peu de notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la littérature érotique. On va aborder ça en, disons, vers 10h30. Ça dépend de Pierre. Bon, OK, on va ça dépend. Là, j'ai pas de capsule, j'ai plutôt des un long fleuve tranquille par rapport. Un long fleuve tranquille. C'est l'histoire du Moulin Rouge ou les débuts du French Cancan. Du French Cancan? Oui, le Cancan qu'on dit. Le burlesque, l'ancêtre du burlesque. Quoique le burlesque a commencé au cirque, mais on pourrait dire que c'était, oui, le burlesque. Mais je suis allée au Moulin Rouge à Paris. Oui! Puis, chanceuse. Oui, mais j'ai été tellement déçue. Comment ça? Bien, c'est de un, le prix est de 500 € par personne ouais, pour cher. Le spectacle. Après, 750 Bien, c'est quand même, quoi, 700 à peu près? Oh, plus que ça. Ouais, à peu mais près. Mais c'est ça. Fait que c'est souper spectacle avec une bouteille de mousseux, mais honnêtement, du spectacle, j'ai été vraiment déçue. C'est vraiment French Cancan et non burlesque. Le Moulin Rouge, c'est ouais. pas très... dénudé, c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais, en fait. Après avoir vu le film Burlesque, évidemment, là, mais j'ai été vraiment déçue. T'aurais pas été déçue au Crazy Horse, par exemple? Oui, ça, je me suis fait dire... Crazy Horse, c'est le un, Crazy Horse, oui. Ça date des années 50, et c'est pour, à un moment donné, ben, c'est très stéréotypé. Les filles sont toutes faites sur le long. Puis souvent, au Crazy Horse, c'est des filles qui ont une formation de ballerine hein, de danse classique. Fait que donc, c'est déjà comme un standing. Tu dis, je danse au Crazy Horse, oh wow! Mais c'est comme le Moulin Rouge aussi, j'ai l'impression que c'est un certain standing, oui, mais... Oui, oui, oui. Mais je pense que ça soit aussi sur leur réputation, tu sais. Pour charger 500 €, ouais, quand même. Un bout de ça, c'est sûr. Mais la clientèle était quoi au Moulin Rouge? T'as-tu des personnes de quarantaine, cinquantaine? C'est sûr que c'est pas vraiment du monde de mon âge qui ont les moyens de se payer. Ils n'ont pas les moyens, c'est sûr, oui. Mais moi, c'était un rêve depuis longtemps que... Ça valait la peine d'économiser... Oui, bien, je suis allée aussi... je pense que je vous en avais parlé, le musée du sexe. à Paris. Ça avait 9 étages. C'était vraiment intéressant. Ah, oui, il y avait un étage qui était seulement sur l'histoire de la pornographie à Paris dans ces années-là. Ah, okay. C'était vraiment, vraiment intéressant. Tu pourrais nous en parler éventuellement? Ben oui. Ben oui, c'est sûr. C'était allé. Moi, je ne suis pas allé, mais j'ai entendu parler de ça. Mais en parlant de burlesque, on a un théâtre à Trois-Rivières qui est le Tapis Rouge. Rappelez-moi si j'ai le bon nom. Oui, à ne pas confondre le avec le cinéma, mais bien le cabaret. Le cabaret. Le Tapis Rouge qui est au Cap des Madeleines. Et où il présente. Il présente du burlesque. Et il présente toutes sortes de shows, en fait, de spectacles. Spectacle de drag queen, notamment. Notamment. Puis, c'est ça, on disait que 3 fois par année, il présentait des spectacles burlesques et puis il faisait venir, on m'a dit, les meilleurs. Oui. Mais non, j'y suis pas allée, mais ça m'a quand même intriguée. J'étais vraiment charmée par la place. C'est pas une grosse salle, c'est assez intime. Puis... c'est vraiment, c'est très, très bien comme endroit, puis c'est ouvert à toutes sortes de clientèles et toutes sortes de spectacles. Ben c'est cool. La prochaine fois, tu seras peut-être notre envoyé spécial pour aller... avec plaisir! La marchandise. Certainement! Et, bien sûr, ce matin, on doit se rappeler quelques petites annonces, comme d'habitude. On essaie de faire le lien entre l'assaut... notre seul assaut ici en sexo, bien qu'on n'ait pas encore ni de département, ni de bac, ni de certificat. En fait, on a un programme court. Il faut s'en réjouir. C'est déjà quand même bien. Mieux que rien. C'est mieux que rien. On pourrait toujours juste faire du YouPorn, puis ça ferait pareil. Mais au moins, on a des cours de qualité, par ailleurs. Des cours de qualité avec mais on aimerait avoir un certificat, on aimerait avoir un peu plus. Et malheureusement, le cadre universitaire étant ce qu'il est, ça prend du temps. Et c'est des processus qui sont longs. On espère que ça débouche. Ça prend de la volonté aussi. Tant que la volonté, ça va plus vite. Non, mais, mais je pense qu'il y a une volonté à part si on peut. Regarde, là, on est bien parti ces cours en ligne, puis je suis pas parti à la retraite parce que je voulais pas enseigner. Je voulais enseigner, mais là, je me disais, Chris, ils sont partis ces cours en ligne, tout ça, puis bon, cours présentiel. J'aurais voulu donner un cours sur l'histoire de la sexo, mais non, ça n'a pas. Ça n'a pas donné lieu à ça. Bref, on a déjà des cours. C'est super. Ça nous aide à ouvrir notre esprit et à développer... c'est ça? c'est à peu près ça, Pierre. C'est à peu près ça. Limite, c'est de fermer le micro, là. t'as lu entre les lignes, c'est bon. Mais tu le verbalises. Donc, on a un assaut. À voix haute. On a un assaut. Puis juste pour terminer sur ce sujet-là, pour être sûr de bien mettre les pions à leur place, c'est-à-dire qu'il y a une volonté départementale pour la sexologie, c'est juste que c'est des processus qui sont longs. Toutefois, bien sûr, on se doit de répéter qu'on aimerait que ça aboutisse parce qu'on est impatient de pouvoir s'y inscrire. Moi-même, le premier, je suis amoureux de l'UQTR. J'adore mon université et j'aimerais y rester pour minimalement faire ma propédeutique pour aller faire la maîtrise en sexologie. Mais ça ne peut pas se faire. Malheureusement, actuellement, ça ne peut pas se faire parce qu'on n'a pas la ressource académique. Et je trouve ça triste parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent faire exactement le même parcours que moi, c'est-à-dire un parcours, certes, plus orienté en psychologie, c'est-à-dire un bac en psychologie, une propédeutique, c'est-à-dire une année d'appoint avec des cours de sexologie, les préalables sexologiques, et ensuite une maîtrise. Ça donne une vision qui est différente, ça amène une orientation clinique, et aussi qui va être différente, qui va être teinté de ce que la psychologie peut amener à la sexologie et inversement. Tout à fait. Donc, je trouve ça dommage actuellement qu'on ne puisse pas le faire, mais c'est une question de temps à ce qu'on nous dit. Est-ce que tu as fait ton inscription pour Montréal? Mon inscription est faite. Il me reste mes documents à envoyer papier. Donc, je suis à travailler là-dessus cette semaine. Quand bon, je ne fais pas de radio, bon temps. On va te souhaiter la meilleure des chances. Bien, merci. Et reviens-nous, surtout. Ben, je serai parmi vous à la radio, au moins. Ne serait-ce, bon, comme je disais, on a une nation sexo et elle, par contre, elle travaille. C'est pas parce que j'en suis le président, mais c'est parce qu'il y a du monde aussi derrière moi. On est une équipe, on travaille fort. Et on travaille, entre autres, à vous organiser des trucs. Notamment, le 12, lundi prochain, une conférence qui va se tenir de 16h30 à 18h. J'aurai le plaisir de l'animer. En fait, j'aurai le plaisir de la donner. Ça va être aussi la première du théâtre d'intervention sur le consentement, qui va ramener un peu les éléments du fameux vidéo de Cup of Tea. Mais c'est réinventé à la sauce artistique et très théâtrale que nos acteurs ont bien pu travailler, acteurs et créateurs. Donc, à ne pas manquer. C'est lundi prochain. OK. C'est en primaire. Il y a la petite pièce de théâtre. Elle dure environ 5 minutes. OK. Faut pas, c'est du théâtre d'intervention. Et ce théâtre d'intervention-là va se promener un peu partout à l'université. Suite à quoi, je vais faire la conférence sur le consentement, mais aussi sur ma vision, si on veut, de l'éducation à la sexualité chez les enfants. C'est pas pour me vanter, mais je suis le papa d'une famille recomposée de 7 enfants. Donc, de 7 à 19 ans, on les voit un peu tous passer. Ah, c'est cool, ça. Donc, ça, c'est de voir comment, à partir de mon expérience psychologique, sexologique, j'ai pu intégrer l'éducation à la sexualité et de père, et de toutes sortes de... comment qu'on peut intégrer ça? Mais il y a aussi toutes les notions empiriques et scientifiques qui sont rattachées à ça. Bien sûr, je ne sors pas ça uniquement de mon chapeau. Ça risque d'être très intéressant. Donc. Ben, tout le monde, je vous y invite cordialement. C'est gratuit. Ça va être à la salle Rodolphe Mathieu le 12 février prochain. Ça, c'est dans le pavillon MS. Le Michel Sarrazin, effectivement. Parfait. Et sinon, le 21 prochain, pour souligner la Saint-Valentin. En fait, bien qu'on soit en retard, légèrement. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. En fait, ce n'est qu'une date. La Saint-Valentin devrait être à chaque jour. Tout à fait. Hein? C'est pour ça, la semaine prochaine, je vais faire l'histoire de la bucogénitalité. C'est bien, Pierre. Est-ce que je peux plugger deux conférences que je fais? Ben oui, mais okay. Si tu me laisses finir avant. OK. Mais après, oui, tu plugueras... Ce que tu veux. Ben, c'est pour les gens qui... Il va en faire OK, voici. Il va en faire avant. Bon. Le 21, c'est bien ça? Le 21, c'est le bal masqué qui est organisé par l'AES, bien entendu. Bal masqué, c'est quoi? Il va y avoir, oui, de la danse, on s'entend, mais il va y avoir aussi un speed dating qui, lui, n'est pas genré. Il n'est pas non plus... Attends, il n'est pas genré. Oh non, Chris. T'es pas rendu là-dedans, là. Tu es dans cette... Oh non, Chris. Ben là, on est ouvert à tout le monde. On est ouvert à tout le monde. Non genré. Non genré. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Exactement. Ben là, tu vas le voir. Et en fait, les gens peuvent s'afficher comme disponibles ou en couple ou peu importe, mais ça ne les empêche pas de participer au speed dating. Ça ne les empêche pas de participer au speed dating parce que, de toute façon, peu importe l'orientation, peu importe le genre, justement, peu importe quoi que ce soit... Tu peux être matché avec un gars en couple. Exactement. Toi, t'es un gars en couple. Oui. Le but de ça, c'est quoi, Anthony? Tu peux être un gars hétéro, tu peux tomber avec des célibataires. Être un célibataire qui cherche un célibataire puis tomber dessus. Ça peut être cool. Y a-t-il des membres non-genrés? Il n'y aura que presque ça, des membres non-genrés, en fait. Il n'a pas compris, hostie. Mais dans le fond, l'objectif de cette soirée, Anthony, c'est pas nécessairement de trouver l'amour de sa vie. C'est le plus de trouver exactement. Une rencontre. C'est de créer des rencontres et de favoriser la santé affective et sexuelle. Donc, par des rencontres, on favorise aussi quoi? Le réseau social, l'amitié, l'ouverture. Puis, est-ce qu'il faut des inscriptions? Pour son inscription, ça va être directement à la porte à partir de 19h. Simplement se présenter, ça coûte 10$ pour une entrée. Moi, si je mets un masque, est-ce que je mets un masque de Zorro, on va-tu me reconnaître? Même en fauteuil roulant, tu penses? J'ai une grosse idée que oui. OK. Donc, on arrive masqué? On arrive masqué. Il va y avoir quelques masques à vendre à la porte pour ceux qui auraient oublié des fois que... Tu sais, des masques de Zorro avec un élastique en arrière. On peut acheter d'indépendant. Tu sais, quelque chose de super sexy. Quelque chose de super sexy. D'accord. Il y aura quelques performances musicales. Qui sait, on va peut-être avoir des fans qui vont vouloir qu'on leur... autographie une fesse. Peut-être. Hey, Colin, et moi, je serai là comme animateur de la soirée. Ben d'accord. Oui, Natacha va être là. C'est sûr. Venez nous voir, venez nous rencontrer. Ça va me faire plaisir de vous serrer la pince. C'est un quel jour, le 21? C'est un quel jour, là? Je crois que c'est un mardi. Non, c'est un mercredi, pardon. On va mettre ça à notre agenda. Dans ton agenda. On va en reparler aussi la semaine prochaine. Il va y avoir aussi un concours de joke de papa. Donc, une compétition de joke de papa. J'ai compris. Compétition de joke de patate. C'est... Papa. Excusez. Donc, ça risque d'être très amusant. Pierre, est-ce que tu veux participer? Désolée si vous m'entendez tousser. C'est malheureusement hors de mon contrôle. Exactement. Donc, ça va être axé davantage là-dessus, sur la danse, sur le plaisir. Et bien sûr, on va avoir des sensibilisations. Puis, est-ce qu'il y a un dress code? Un dress code? Chic. Pour moi, chic, c'est chic. Amusez-vous. Et pour une femme? C'est chic. C'est chic? C'est chic. Ouais, allez-y, chicks. Allez-y comme vous voulez. C'est chicks. C'est sûr que si vous avez un coton ouaté avec un loup en avant, ça se peut qu'on râle un peu. La meute? Anthony, à quel genre de femme tu t'attends ce soir-là? Je m'attends. Plus habillé sexy, plus habillé chic, plus habillé comment? M'habillez-vous comme vous voulez, bâton. Mais assumez-vous. Assumez-vous. Si toi, t'es bien, habillé super sexy, la crème de singe. Je vais arriver avec un kit de latex. C'est ouvert à tout le monde, hein? Exactement. C'est justement sur l'ouverture. Et je pense que si la personne, elle veut venir rencontrer, mais qu'elle est bien en jogging, mais qu'elle vienne en jogging, bâton. J'ai fait une joke de Fentex aussi. En pantoufles de... Oui, pourquoi pas? Why not? Le kit de latex avec les pantoufles de Fentex. Très érotique. Très. Non, mais le but n'étant pas justement d'être érotique, le but est de venir avoir du plaisir, de développer des relations. On ne sait pas, peut-être que Monsieur Fentex avec Madame Fentex, ça va fuiter, là. Ça va faire des méchantes étincelles, la statique les là-dedans, ça va fuiter. Les années 80, il y avait des pantalons de quoi? De Fortelet, là. Oh my God. Ah, ça, c'est cool. C'est quoi, ça? Oh, tu manques rien. Non, non, c'est pas ta génération, ça. Non, en effet. Fait que c'est un rendez-vous lundi prochain. Mercredi le 21. Et voilà. Sur ce, Pierre. Est-ce on que. J'ai presque pris tout ton temps. C'est pas grave, je vais revenir la semaine prochaine. Oui. C'est cool. On est pogné avec toi tous les semaines, Pierre. Pogné. Ça dépend des semaines. Je voulais juste dire que au mois de mars, je fais deux conférences pour les gens de la Société de sclérose en plaques de la Mauricie. Oui. Et c'est deux conférences. C'est pour les gens qui ont la sclérose, là. C'est pas grand public. Fait que si on a des auditeurs ayant la sclérose en plaques. Oui, ou qui sont fondeurs ou en tout cas, mais qui sont membres de la sclérose en plaques Mauricie. J'ai deux conférences. Une à Trois-Rivières, l'autre à Shawinigan, à l'auberge des gouverneurs. Puis à Trois-Rivières, c'est au Cap Maman Fournier. Ah! T'sais? Oui. Un bon restaurant, on peut manger des bines, des œufs, puis la bite. Et c'est le voyage que j'ai fait en Compostelle en 2015, c'est le titre, c'est parti tout croche à Compostelle. Tout croche dans fauteuil. Intéressant, oui. Oui, oui, fait que j'ai fait, j'ai mis mon papier d'attestation par Saint-Jean de Compostelle. Moi, j'ai fait la route, je suis allé avec un de mes amis. Et ça a été le début d'une. Mon Dieu, j'ai aimé ça. C'est vraiment... Une quête spirituelle? C'était pas parti pour ça, mais c'est devenu ça avec le temps. Ben, okay. Je pense que veux pas Compostelle, c'est ça, hein, la clé du... Ben, c'est... Il y a des gens qui font des, ouais, des rencontres de fun. Des fois, oui, des fois, non. Avec soi-même. Avec soi-même, avec les autres. Mais j'ai beaucoup écouté les vidéoconférences de Marcel Leboeuf qui parlait justement du chemin de Compostelle. Moi, j'ai fait le chemin espagnol, la côte nord espagnole. Et ça a été vraiment super parce qu'il y a 5 chemins ou 6 chemins. On part de Paris, puis on descend. Et c'est à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port que ça a été. J'avais aussi mon passeport de pèlerin. Et j'ai couché dans des auberges de pèlerins. J'ai vécu des choses bien intéressantes, rencontré des gens intéressants. Et ça va être... Tu vas partager ça avec oui, les gens de avec les photos qu'on a prises, moi et nommé Jean Valiquette, un de mes amis. Ça a été super. Puis, oui, j'ai ramené des photos, des anecdotes. Puis, quelle date, tu dis? C'est le 13 à Trois-Rivières et le 27 à Chaoui. Mais comme je vous dis, là, il faut être membre. C'est pas déjà d'assurance emploi. Mais pourquoi tu nous en parles si c'est pas ouvert? Parce que je pourrais en parler après. C'est bon. Parce que je pourrais en parler après, puis... Avec toi, là, tu dis ça. Mais du moins, ça fait une forme de sensibilisation. C'est non, sûr que c'est pas, c'est peut-être pas le thème de l'émission, non, mais c'est une sensibilisation. Ben oui, ben moi, oui, ben cher auditeur, parce que j'ai pris des antibiotiques puis je me sens complètement gelée. Complètement. On pardonne, Natacha. Alors, quand toi, elle essayait d'attraper des licornes imaginaires, donc on s'entend. Mais non, c'est intéressant. Par contre, peut-être que si tu as des demandes d'auditeurs, éventuellement, tu pourrais redonner ces conférences-là de façon plus ouverte. Oui, oui. OK, ben c'est intéressant. Oui. Donc, s'il y a des gens intéressés, ben, contactez-nous et ça va nous faire plaisir de transmettre l'information. Oui, et voilà. Oui, mais l'affaire, c'est que peut-être je parle un peu trop vite. C'est pas pour le grand public, mais pour les gens qui ont la sclérose en plaques. Parce que je vais refaire encore... ce chemin-là avec des gens qui sont handicapés. OK, est-ce que je passe à ma chronique, là? Ben, tu as 7 minutes. Bon, oui, Pierre, c'est juste que je n'ai pas... je n'ai aucun de nos thèmes ce matin. Ah oui? Alors, on est obligé de chanter. On est obligé de chanter. Je te laisse aller, Anthony. Cette fois, c'est pas toi. Chante, Anthony, chante. Oui, ben, en fait, vous allez m'entendre chanter le 21. Oh, d'accord. Ça promet. Alors, c'est au tour de Pierre. OK, l'histoire. OK, ben, est-ce que tu parles mon thème ou... Il vient de te dire qu'il l'a pas. J'ai pas de thème. Mais tu vois, c'est rassurant pour toi ce matin. Tu oui, disais que t'étais gelée, ma belle. Moi, je ramène tout le monde à l'ordre. OK, l'histoire. Du sans aucun filtre, je suis désolée. Je vais essayer de te trouver un thème ou ton thème, du moins, pour la fin. Quand je parlais de thème, je ne pensais pas que c'était la musique. Excuse-moi, Anthony, je suis perplexe. C'est pas grave, l'histoire j'ai appris à travailler avec toi depuis 2 ans l'histoire... et j'avoue que j'ai des ulcères maintenant. Okay. L'histoire du cabaret. L'histoire du cabaret, le Moulin Rouge, ou les débuts exaltants du French Concan. Bon, l'ère où les femmes commencèrent à montrer leurs dessous. Nous sommes en 1850 et la ville de Paris célèbre le tout début de l'ère du second empire napoléonien. C'est pas pire, hein? Bon. Dans une exultation de l'art populaire qui sera sans précédent dans son histoire. En effet, tenant le dos à son passé turbulent et sanguinaire qui n'a pas arrêté depuis la grande évolution de 1789, le bon peuple de Paris eut le goût de retourner à ses vieilles valeurs qui ont caractérisé si bien depuis la nuit des temps leur capitale, comme étant celle du plaisir, OK, celle du plaisir. C'est sous le signe de l'insouciance, de la légèreté, de la frivolité et de la joie de vivre que s'amorça ce changement. Cette époque a été cristallisée par le temps des gaietés parisiennes et la musique fantaisiste de Jacques Offenbach. Ah oui? Donc, on a pris le nom Offenbach, le groupe québécois Offenbach. OK. L'un des plus grands compositeurs du 19e siècle. Avec la collaboration de la célèbre danseuse Céleste Mogador, célèbre vedette, évidemment, du théâtre des variétés, le bal mobile, ils ont créé une nouvelle danse nommée le quadrille. OK? Cette danse, le quadrille, vous savez, c'est ta-la-la-la-la-la-la-la-la, puis les battants en l'air. Ah, okay. Oui! Ouais, ah, je ne savais pas que c'était le quoi le nom. Le quadrille. Bon, OK. Cette danse avec son rythme entraînant qui se situe à la limite de l'acrobatie et le spectacle des burlesques a ensorcelé l'Europe entière et par la suite le monde. Le quadrille était une danse exclusivement féminine où ses interprètes étaient passés maîtres dans l'art de faire de grands écarts et de soulever leur dentelle. OK, ça paraît des femmes assez souples, hein? Bonnoir, Jartel et Froufrou virevoltaient dans une série de gestes gracieux invitant la gente masculine aux fantasmes et aux diversions les plus pervers. Les danseuses de quadrille ont généré même des émeutes partout où elles sont produites. Hein? OK. Ça prenait pas grand-chose, hein? Non. Mais on voyait pas grand-chose non plus. Non plus, c'est ça. Ironiquement, c'est à Londres, en 1861, à Londres, hein, qu'un certain Charles Wharton, grand maître du variété théâtre, aussi appelé musical, qui a inventé le thème French Cancan. Cette dénomination faisait référence au caractère très dynamique et brillant du quadrille. Même si ces messieurs des Anglais ont été scandalisés, offusqués par ces mouvements, considérés comme étant à la limite de l'indécence, c'est néanmoins à Paris que la popularité du cancan a acquis ses lettres de noblesse et n'a cessé de croître par la suite. OK, là, on entend toujours la page. Et juste pour dire que je ne fais pas n'importe quoi. Ce qui n'a pas empêché le prince de Galles, fils de la reine Victoria, et futur roi d'Angleterre, mieux connu sous le nom de Édouard VII, a traversé souvent la Manche et pour fuir le pays sombre et triste de sa mère afin d'aller rejoindre sa maîtresse à Paris et assister ensemble à des spectacles de cancan. Ça a dû des moustiers, ça, ce gars-là. Scandale! Non. Ben, ça oui. Devait être secret, là, quand même. Shocking pour un roi comme ça. Un roi, oui. Mais il a été nommé roi, lui, à 60 ans. Hein? Il avait eu le temps déjà de passer sa petite crisette. Oui. Il faut cependant spécifier que les épouses légitimes n'étaient pas invitées à avoir de tels spectacles. Ça va-tu? Et celles qui s'y trouvaient étaient soit des prostituées ou des courtisanes. Pas plus que le petit peuple de Paris qui n'avait pas l'habitude de voir ce genre de spectacle tout en s'encoquinant avec des gens dits de la haute société. Il faudra entendre seulement qu'en 1889, lors de la création de ce cabaret Le Moulin Rouge, pour officialiser le quadrille en tant qu'un plaisir vertueux, simple, typiquement parisien. OK? Et conçu pour le grand public des deux sexes. Ça, c'est un fun track, ça. Tu peux continuer de parler, Pierre? Moi, te laisser ça en fond de thème. Non! Oh. On fait du Mathieu Plante et... Tania Baudin. Et Tania Baudin, ce matin. Nous sommes dans la dernière décennie... Ils sont tellement hâtes. On les aime. Nous sommes dans la dernière décennie du 19e siècle, de naturalisation de l'ambiance et dans la frénésie d'un temps nouveau. Cette période annonce également la venue bientôt d'un nouveau siècle qui sera celui de la modernisme, dans la modernité, excusez, du progrès technologique. Au moment où les nouvelles inventions facilitent les communications, le confort et l'espoir de vivre mieux, c'est l'Europe qui donne encore le ton de départ à cette nouvelle ère de prospérité. Les syndicats s'organisent, la venue de la société de loisirs pointe à l'horizon et la culture du corps est à la mode pour les bienfaits de l'exercice physique, aidée surtout par le renouveau des Jeux olympiques. Hey, attends un petit peu, là. Là, tu as parlé de syndicats, puis... Là, je suis mêlée, là. Là, je suis vraiment mêlée, là. Es-tu en train de me dire que... Parle trop vite. Est-ce que tu es en train de nous dire que c'est possible qu'à l'époque, les danseuses étaient syndiquées? Non. OK. C'est juste que c'est arrivé dans le même timing. C'est, oui. OK. Puis la culture des... Les Jeux olympiques, là, sont revenus, quoi... Dans ces années-là, en hein? 1896, par Pierre de Coubertin. La culture du corps a commencé, là. D'accord. Là, okay. C'est plus clair. D'accord. OK. Ah, tu comprenais pas? J'ai besoin parfois de tête de virgule. Toi, là, ma blonde va me chicaner quand je vais arriver à la maison. Article, Christ! OK. Moi, mais la connaissance, elle dira pas ça. OK. La France est dans un foisonnement intellectuel, littéraire et artistique sans précédent. L'exposition universelle et l'inauguration de la Tour Eiffel à Paris en 1889 sont des signes qui annoncent la venue de ces bouleversements. Les peintres impressionnistes néons à la capitale et la culture est en rupture avec la rigidité du classicisme traditionnel. Correct? Quand je parle des impressionnistes, je parle de qui déjà? Cézanne, il y a Gauguin, il y a Van Gogh. Moi, en peinture, je suis pas mal plus Cigo que d'autres choses. Donc. Et plus tard, ben, il va arriver Picasso. Hein. Mais il n'est pas considéré Picasso. Comme un impressionniste, lui. Non, mais quand même, il a suivi la vague. Picasso, c'est pas celui qui échappait de la peinture sur ses tableaux? Ça? Non, pas celui-là. Non, pas lui? Non, je pense pas. OK. Bon. Okay. J'ai l'air d'un corps, mais je sais très bien c'est qui. Ah! Il échappait des gouttes de peinture sur ses tableaux. Non, mais tu sais, on s'entend que c'était pas tout le temps clair ce qu'il faisait. Non? Bon, il y avait Van Gogh qui échappait. Il a fait des toiles avec du jaune d'œuf. Quoi? Du jaune d'œuf. On a découvert ça il n'y a pas longtemps avec des expertises. Mais tu savais, Pierre, il y en a qui peignent avec leur sperme, hein? Ça, c'est les œuvres de Picasso. Avec leur sein aussi, il y a des œuvres. C'est pas très beau, hein? Ben, c'est bien. Oui, c'est. Moi, tu le vends chez Walmart, 5 piastres, je ne l'achète pas, là. Moi non plus. Mais je suis un con. Je le mets même pas. Il y en a qui vous doivent hurler dans leur voiture. Je vous invite à m'envoyer un message texte ou à communiquer par, sur notre page Facebook. Vous pouvez me dire ce que vous voulez au niveau de ma culture artistique. C'est quand même bien développé. Écoute, tu peux pas être à jeun et faire des œuvres comme ça. Là, c'est impossible. C'est clair. Je vais continuer. Oui, vas-y. Inspiré par cette ambiance colorée, gay et frivole, quelquefois grilloise, mais pleine de fantaisie et d'imagination, on crée des salles de spectacle et de danse qui reflètent cette accessibilité et culture pour tous. L'arrivée des balles de Moulin Rouge a été à l'image de cette démocratisation du plaisir et est devenue rapidement très prisée. Dallois a même été forgé pour faire rêver tous ceux qui s'y intronisaient. Avec sa grande piste de danse, ses galeries, ses miroirs, le monde est invité pour y danser jusqu'à très tard dans la nuit. Où ça? Au Moulin Rouge. C'est le Moulin Rouge qui était, qui était organisé comme ça. OK. Tout cela a accompagné d'un orchestre qui jouait des airs de musique entraînante de bal musette. Tu connais? Oui. Est-ce que je continue? Vas-y, ben, j'arrête. Ben oui. Fais-en encore un petit peu, là. Mon Dieu, c'est très... Pour une fois qu'on te laisse parler. À la fin de la soirée... Soirée. En finissant par un spectacle de cancan qui se faisait appeler les chahuteuses. Pourquoi on appelait ça? Les quoi? Les chahuteuses. Chahuteuses. C'est pas à cause qu'ils faisaient retomber les non, chaises, mais non plus? Les autres, quand ils dansaient, ils chahutaient. Yeah! Ah, d'accord. As-tu un cri de chahuteuse? C'est un cri pré-orgasmique. Oh! Chahuteuse. À raison des cris des chahuts qu'elles lançaient lors de leur démonstration. Fait que c'était excitant. Hein? Il y en avait une gang qui tordait dans leur culotte. L'élaborant cette époque, je parle des gars, puis il y a des femmes. On ne sait jamais. En élaborant cette époque consacrée au plaisir, au sens, le Moulin Rouge a eu la prétention de devenir le plus grandiose des temples de la musique et de la danse au monde. Ce cabaret a qualifié cette période pendant plus de 10 ans, jusqu'au début du 20e siècle, comme étant celui de la belle époque. Dans le sérieux guide des plaisirs de Paris, édition 1898, les danseuses de Cancan sont décrites comme étant ceci. C'est une armée de jeunes filles qui sont là spécialement pour danser ce divin chahut parisien, comme sa réputation l'exige, avec une élasticité lorsqu'elles lancent leurs jambes en l'air, qui nous laisse présager qu'une souplesse morale au moins égale. Oh! Une souplesse morale égale à la souplesse de la jambe. C'est bien dit, hein? Oui, oui, oui. Le temps des girls venait de débuter au Moulin Rouge. OK. C'est pas dire, hein? J'ai un public vraiment... Hey, dis-moi, est-ce que tu savais, tu nous as dit tout à l'heure que... la jeune femme, comment s'appelait, non, la jeune femme qui a inventé le quadrille? Attends une minute, c'est Montgadard, je pense, mais c'est peut-être pas seulement elle qui a inventé ça. Il y en a une gang que je vais nommer, là, plus tard. Là. Ben, de ce que j'en vois, moi, bon, OK, je suis sur Wikipédia, la source la plus fiable d'information. Il y a aussi la Goulou. Je vais te donner des noms, tu vas voir, là. Mais je regardais, elle s'appelait Céleste Vénard, son nom de fille, Montgadard, oui. Et puis, c'est écrit « Elle perd son père à l'âge de 6 ans. Brutalisée par son beau-père, négligée par sa mère, elle est recueillie par une prostituée. Okay. » Donc, ça explique peut-être son histoire, explique le développement après de la fille qui a créé quand même le quadrille. Peut-être. Probablement. Mais il y a quand même tout un effet de circonstance, hein? Ben là, l'ouverture d'esprit, du moins, pour pouvoir ouvrir la souplesse de la jambe. Mettons, à l'époque, tu recrutes des danseuses ou des filles qui s'improvisent danseuses et qui ont quand même des cours de comment danser. Puis danser de telles danses comme ça, faut-il passer un peu assez spécial. Oh oui, c'est un peu ça que je dis. Il faut qu'il y ait une certaine ouverture à la sexualité. Oui. OK. Aujourd'hui, c'est très différent, là. Oui, aujourd'hui, filles, l'ouverture à la sexualité permet regarde, autre chose. Les filles, admettons, qui dansent peut-être pour Moulin Rouge, mais plus au Crazy Scrabble. Au Scrabble. Clin d'œil. Disons qui dansent au Crazy Horse, ont une formation classique de ballerine, la plupart du temps. Mais comme tu disais, la culture du corps, à l'époque, puis ça reste. On est encore là-dedans. Aujourd'hui, on est encore là-dedans, culture du corps. L'art du Moulin Rouge, c'était autant celle de Toulouse-Lautrec, le peintre Toulouse-Lautrec. Les 10 premières années du Moulin Rouge se sont enchaînées dans un tourbillon de soirées plus extravagantes les unes que les autres. Et autour des spectacles, le cancan était monté en 1990 des premières revues musicales comme celle des Circassiens et des Circassiennes. Pas qu'est-ce que c'est, là. Le printemps de Toulouse-Lautrec était été le témoin le plus fidèle de ce temps, face et immortalisant sur des affiches publicitaires. C'est vraiment magique qui ont fait la gloire de la renommée du Moulin Rouge. Faut pas oublier qu'à un moment donné, l'art nouveau est arrivé avec ça, au début des années 1900. Les Toulouse-Lautrec, c'était évidemment des gens du spectacle qui prenaient, qui faisaient des affiches. OK, ils faisaient des peintures, des affiches, mais ils étaient un peu art nouveau. Fait que, un peu beaucoup art nouveau. Fait que donc, quand ces affiches sont devenues très publicisées, bien là, les gens ont vu qu'est-ce que c'était. OK. Fait que, on va voir Toulouse-Lautrec, qui est mort quand même à 37 ans. OK. Puis la prospérité, il nous fait parvenir les noms évocateurs et aux saveurs comiques et insolites de ces filles qui sont illustrées dans le cancan. Des noms tels que Jane Albright, surnommée aussi Jeanne la Folle, à cause de son côté citronique, la Môme Fromage. Oh boy! La Môme Fromage. J'ai de l'imagination, là. Ouais. Non, mais appelée de cette façon en raison de son jeune âge. Il y avait aussi Grille d'égout. Oh! Ensuite, connue pour son goût du chahut, Nini Patenlaire, qui a ouvert plus tard une école de cancan, sans oublier Louise Weber, dite la Goulou, muse des artistes et grande amie du peintre, qui a fini sa vie dans la prostitution et la misère la plus totale. Ah, oh, c'est triste. OK. Seule figure masculine de cette époque de chahuteuse, celui qu'on a surnommé Valentin de Désossé, ou l'homme du quadrille, qui a été sans égal pour faire danser et crier les femmes de l'assistance. OK. Valentin, le Désossé. Je ne sais pas de quoi il avait l'air, le gars. Mais, voyons voir ça. Oui, c'est ce que je fais. Hein? Mais la Goulou, elle est morte dans la prostitution. Elle est morte en 1729. Elle. La fin du cancan est l'arrivée de Miss Tinguette. C'est presque à la mort du peintre en 1901 que la mort du cancan est tombée en désuétude. Un an plus tard, soit le 29 décembre 1902, dans les différences presque générales, l'heure du dernier bal a sonné dans ce prestigieux cabaret et le quadrille qui n'était plus à la mode a fait place à l'art au théâtre concert, communément appelé l'opérette. Ou le musical aussi. OK, changer de vocation. Et ben, voilà. Puis le musical est arrivé quand même jusqu'à la. C'était populaire jusqu'à. Dans les années. C'est pas grave, c'est vivant. jusqu'au moins les années 50-60. Hein. Eh bien. Fait que là-dessus, que Pierre, non, on va arrêter là, mon Pierre. Oh, Colin, ben voyons donc. Ben oui, écoute, on n'a pas le choix. Est-ce que je peux continuer la semaine prochaine? Non. Ben oui, bien sûr. Non, moi je dis non. Hey, hein? Natacha, elle revient. Natacha, elle n'est pas super en forme, mais elle est toute l'eau. Elle n'est pas si malade que ça. Hey, elle est coquine. Hey. J'aime ça, te niaiser. Ben oui, mais là, quoi, Jonathan, on est là dans l'anxiété. Non. Ben, merci beaucoup, Pierre, de nous avoir informé sur le Moulin Rouge, son histoire. Ben oui, absolument. Hey, moi, j'avais tellement adoré le film. Ah oui. Et il y a des personnages, dont Valentin, que tu nous parlais, qui font partie du film, qui a été repris dans le film. La Goulou, est-tu là-dedans? Dans mes souvenirs, parce que mes souvenirs remontent à loin, ça non. Me dit rien. Mais. Nicole Kidman, hein? Oui. On est en 2003, je pense. Oh boy! Possible. peut-être un peu plus tard. Moi, je dirais peut-être plus 2006. Ouais. Moi, j'avais promis un thème à Pierre. Je lui ai trouvé quelque chose. Oh! Si. Ah, ouais. Pierre. Sur ce, revenez-nous après la pause. Tu veux avoir du sexe plein les oreilles? Reviens-nous à C'est Fou le sexe sur les ondes de C'est Fou 89.1. Vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Fier partenaire de la radio Cifou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose une boutique de trouvailles. Tu recherches des produits à l'image du Trou du Diable ou des trésors d'artisans locaux? Pour connaître l'horaire de la boutique du Trou du Diable, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission L'Octrotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CFU 89.1. Vous êtes assis sur le web. Vous êtes assis à Trois-Rivières. Vous êtes assis proche. À Trois-Rivières, c'est 89.1. De retour à C'est vous le sexe, en compagnie des meilleurs co-animateurs que je peux pas avoir sur la Terre, bon tard. Évidemment. À l'est de Shawinigan. On n'est pas à l'est, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est justement. Fait que ton le niveau de tes Anthony. Attentes n'est pas très élevé. Bon, ben, disons tes critères de sélection. Ben, c'était ça où j'allais recruter au CPE. Donc... Au quoi? Au CPE? Au CPE. Centre de la petite enfance. Non, mais oh, je Dieu. Vous taquine, chers collègues, parce que je vous aime d'un amour incommensurable et inconditionnel. Je suis sûr que tu t'es ennuyé la semaine passée, que je suis ben pas là. Oui, c'est sûr, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé d'ailleurs parce que j'ai dû refaire la publicité sans toi. Et bon, ben c'est ça, j'en ai plugué pour te taquiner. T'écouteras la nouvelle pub cette semaine. C'est ça. Bon. Donc, notre sujet de... Mais plus tard, non, parce que je vais finir ça. Je parle de Berlin comme étant la capitale. Ouais, ben tu vas finir ça quand, tu parles? Ben là, quand il y aura un trou ici, là. Ah, quand il y a... Quand il y aura un trou. Il va y avoir un trou, là, ben vite, là, dans l'émission. Là. Dans l'émission? Ben, il va y avoir des espaces, on ne saura pas quoi. Ah, ben oui. Ah. Tu ne sais pas ça? Ah. Je vais bien le combler, cet espace. Natacha est une experte. Oui, telle masculine, oui, de Natacha. Hein? Non, c'est une experte pour combler du temps puis faire du temps avec plein Est-ce que je peux commencer? Ah, tu te garochais ça bang de même? Mais de quoi veux-tu mais parler? On n'était pas censé te parler de littérature érotique avant. Comme tu veux. Parce que théoriquement, t'es plus tard. Il n'y a aucun problème. À 11h30, d'habitude, on finit avec toi parce que c'est comme la série sur le Sunday. Ben, d'habitude, on la mange avant première, Marc. Je ne sais pas. Là, c'est qui gagne? Quand vous mangez vos Sundays, sondage. Je croque la cerise. Ben oui. Qui? Oui, toi, tu la croques, la cerise. C'est bien, Pierre. on ne voulait tellement pas en savoir autant. Hey, tu trouves la porte, Anthony. Puis toi, est-ce que tu croques la cerise, Anthony? Pas, oui. Comment manges-tu ton banana split? Croqueur de mon cerise. Banana split. Non, mais est-ce que vous gardez la cerise pour la fin ou est-ce que vous êtes plus de préférence à manger la cerise sur le dessus? Ben moi, je me dis parce que si j'ai plus faim, hein? Si t'as plus faim avec une cerise. Ben non, mais si j'ai plus faim après. C'est un genre de capacité d'anorexique, toi? Non, après ton sonné, c'était plus fin. Tu vas être obligé de te faire comme fuck ma cerise. T'sais. Fuck ma cerise. Et il ben faut jamais non. dire fuck ma cerise. Il faut la prioriser, cette cerise. Ben, c'est ça. Autre. Fait que moi, je la mange en premier. OK. Et toi, Mélanie? Moi, je m'en ai fait tout le temps piquer, de toute façon. Ça... les petits, hein, puisque t'as des petits, c'est ça? Oui, oui, dans ouais, ce sens-là, oui, oui effectivement. Oui. Ou mon chum passe par l'autre. Trop d'images. C'est ton félicite, bâton. Et toi, Pierre, tu dis que tu croques ta cerise. Ben, des fois, ça dépend comment je fais. Des fois, c'est au début, des fois, c'est à la fin. OK. Ça va avec mes humeurs, je pense. Ben, à la rigueur, on pourrait faire un parallèle avec la sexualité, mais j'oserais jamais faire des affaires dans la main dans un show de radio. Donc, je vous laisse faire vos propres conclusions. Mélanie, qui est mère, qui est une maman confirmée, de 4 enfants, par ailleurs. Oui. Et qui se fait littéralement voler sa cerise de façon régulière. Pauvre elle. Pauvre Mélanie. Hein? On a Natacha qui, bien sûr, elle, priorise sa cerise et qui, sans aucune condition, elle va la... Elle en rit en plus. Elle la rit de ça. Mais et on a Pierre qui la croque. Fait que faites-vous... toi? Ouais, Moi... ben, moi, je mange pas de sundae. Pardon. Tu vois ça tout de suite à ma taille de guêpe. Je mange pas de sundae. Lui, il laisse les cerises puis il mange tout le reste. Non, non, non. Ben non. En fait, je suis plus du genre à entamer tout de suite la cerise, mais non pas à la croquer, mais à la susauter le plus longtemps possible jusqu'à ce que le jus coule dans ma bouche et qu'ensuite je puisse m'attaquer au plat principal et que jusqu'à ce que mort s'en suive, Seigneur. C'est quoi le faire plat des principal? Nœuds dans la... OK, je me tais. Ouh, OK. Non, mais on. Eh bien, hey, entendu, on parle de manger un sundae. J'ai une idée pour collecter des fonds pour la radio. Moi pis Mel, on se bat dans du pudding au chocolat. Allez, érotique, oui, oui, oui. Seigneur. Oh. Attention, là, j'ai des images dans ma tête, là. Hein, littérature érotique, c'est bien ça qu'on disait? Littérature érotique. Ben, avec l'introduction... Quoi, t'aimes pas qu'on... mon idée? Est-ce que c'est ça que tu es en train de me dire? Je ne dis rien à ce sujet. Non, elle te confirme que c'est pas une bonne idée, je pense. Nos auditeurs veulent. Ça serait vraiment bon. Oui, le 21, c'est ça? Le 21 d'Angelo. C'est... non? Pas tant. Non, non pas tant. C'est pas ça. C'est non. Pas le genre, de, c'est pas moi, le genre de maison. Oui, oui. Mais, c'est triste. C'est une très bonne idée. Je sais. Moi, Pierre, on aime mes idées. Oui, mais là, on est en train de semer des images dans la tête des gens. Et c'est ça, la fantasmatique. Et c'est ça, oui. Et c'est ça aussi l'objectif de notre radio, de c'est de créer du de plaisir. Nos auditeurs. Mais pas, seulement, mais pas seulement des auditeurs, des lecteurs de lecture érotique. Mais j'essaie de plugger le sujet, n'est-ce pas? Donc, en connaissez-vous? Avez-vous fait des lectures, vous? Marquis de Sade. Oui, Marquis un peu. Marquis de Sade, OK. C'est quand même la quintessence de la littérature érotique. Par contre, c'est quand même très, très hard. Ben oui. C'est une lecture qui est quand même pas facile. J'ai lu le Marquis de Sade et faut être fait fort. Faut être fait fort? Oui, faut être fait fort. Est-ce c'est que... dans le genre de... Si vous nous en parlez un peu... Ben, écoute, Marquis de Sade, on est vers la fin du 18e siècle, début 19e. Même Napoléon l'avait tassé, il disait que c'était pourri, ses affaires. Mais Marquis de Sade, c'était vraiment un gars, un dépravé, hein? Puis il écrivait, en fin de compte, on ne sait pas s'il vivait ces choses, mais Marquis de Sade était très sadomaso. OK. De là le terme. Sadomaso avec... non. Qu'est-ce que c'est, non. La lecture, son connotation un peu BDSM? C'est pas mal plus que du BDSM. Écoute, moi, j'ai ça longtemps, j'ai lu du Marquis de Sade, mais c'était très cru. Genre... Ben, avez-vous des exemples? Je vais essayer de chercher un extrait. Justine... 1795, regarde donc ça. Ou 1785, je pense que c'est 1785. Justine. Mais de ce que j'en avais... Moi, je ne l'ai pas lu. Moi, je n'ai pas lu ça. Mais de ce qu'on m'en avait dit, c'est que c'était plus que de la littérature érotique. Ça peut aller jusqu'à la criminalité, là. Oui, t'as tiré la sauce, là. Oui, oui, c'est ça. Mais je pense que tout bon sexologue en devenir... devrait le lire. Se doit de le lire. OK. Ne serait-ce que pour vérifier où sont ses propres limites. Oh. Et parce que c'est important de se connaître, de savoir c'est où je peux aller. Ah, il y a l'homme, il finit par... Puis dans quoi je suis à l'aise? Dans quoi je suis à l'aise? Ouais. Qu'est-ce que je suis pas à l'aise surtout? Et le Marquis de Sade, la lecture du Marquis de Sade est un excellent terroir pour découvrir ce genre de limites-là. OK, ouais. Intéressant. Donc, bah. Et voilà. Sinon, les fameux 50 Shades of Grey, mm-hmm. on peut les qualifier de littérature et de érotique. Oui. Moi, j'ai commencé le premier livre, puis comme je vous ai déjà mentionné à plusieurs reprises, ça s'est terminé là pour moi. Mais je sais qu'il y en a qui ont adoré, puis qui ont été titillés par cette écriture-là. Est-ce que tu as... Non, t'as pas... Moi, je ne les ai pas lus. Déjà, je vais vous poser une question qui est personnelle. Sentez-vous bien libre, bien sûr, d'y répondre ou non? Mais avez-vous déjà, comme femme, et toi aussi, Pierre, comment? Ben oui. Mis à part le Marquis de Sade, lis de la littérature érotique? Oui, d'accord. Ben oui, j'ai lu Fifty Shades, puis j'ai lu The Anne Rice. Oui, ouais. C'est vrai, oui. Peux-tu développer un peu qu'on fasse de la radio ou pas? Anne Rice, elle n'a pas écrit aussi de Dracula? Des trucs de vampires, ouais. Ouais, OK. Ouais. OK, ça doit être assez différent. c'est très BDSM, là. Ah, d'accord, ouais. D'accord. Parce que là, il y a toutes sortes de genres aussi dans la littérature érotique. Ouais. Il y a le BDSM, mais il y a autre chose aussi. Ça donne que Pierre nous parlait du Marquis de Sade. As-tu lu autre chose, toi, Pierre? Ben, ça a été assez limité, moi, mes lectures. Dans les cours? Dans la littérature érotique, moi, c'est plus les films que je regardais. Pas des films un peu comme on pourrait tout le temps les voir, là, parce que t'en vois un, tu vois toutes les autres. Mais certains films qui ont été marquants pour les années 70, comme Deep Throat, par exemple. OK. OK. Parce qu'il y avait vraiment une... Parce qu'il ne faut pas oublier que la pornographie des années 70, début 80, c'est associé avec le mouvement, je dirais, pas libération de la femme, c'est pas ça, mais avec une certaine gauche. Parce qu'on faisait fi, en fin de compte, de l'autorité, on faisait fi en même temps de la religion, on faisait fi des concepts. Fait que donc, pour une certaine population, un certain mouvement, à un moment donné, bien, c'était vu comme libérateur. Maintenant, c'est autre chose, là, mais moi, je pense des années 50, 60, 70, disons, quand on a commencé vraiment à contester l'establishment, c'est devenu une arme à double tranchant, qui maintenant, évidemment, bon... Ouais. Les féministes n'ont pas trop accroché là-dessus maintenant. Je me souviens, au Québec, dans les années 80... il y avait beaucoup de débats féministes concernant l'ouverture de certains... Bien, c'est justement la question qui me venait en tête. Tu sais, comment les féministes réagissent à ce genre pas. De... On lance la question, comment les féministes réagissent. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, hein. C'est la dualité, ou disons la comparaison entre la littérature érotique et la pornographie. Oui, je le perçois comme deux choses totalement différentes. Totalement. Là. Mais qui, en soi, ont un but... Commun, c'est-à-dire de l'excitation, l'élévation du désir. Mais quelle est cette différence? La voyez-vous? Comment vous la décrivez? Je vous laisse réfléchir à ça pendant que je vous lis un extrait du Marquis de Sade. Ah. OK, vas-y donc. Le cruel Roland... À ces mots se précipite sur moi et je suis encore obligé de service aux indignes voluptés d'un monstre que j'arborais avec tant de raison. Là, c'est une fille qui parle, là, hein? Oui. OK. Mais ma voix de fille n'est pas terrible. Je crus cette fois qu'il m'étranglait. Quand sa passion fut satisfaite, il prit le nerf de bœuf et m'en donna plus de 100 coups sur tout le corps, m'assurant que j'étais bien heureuse de ce qu'il n'avait pas le temps d'en faire davantage. Et un peu plus loin, rien n'encourage la vertu comme les craintes du vice, bien moins timide que je ne l'aurais cru. J'osais, en lui promettant qu'il n'aurait rien à redouter de moi, lui rappeler le vol qu'il m'avait fait dans la forêt de Bondy, et lui faire sentir que, dans la circonstance où j'étais, cet argent me redevenait indispensable. Le monstre me répondit durement alors qu'il ne tenait qu'à moi d'en gagner, et je m'y refusais. Mais ça, c'est une partie de ça. C'est ça. Pas facile de lire sur un écran. Hein? C'est particulièrement chiant. Non. Tu as affaire à un écrit du fin 18e siècle, mais Il n'y a plus que ça chez une artisane. Oui, oui, oui, c'est ce que j'en ai compris, oui. Il fait référence beaucoup à, justement, la pédophilie, à des meurtres, à de la torture. Ah oui, quand même. Oui, ça va très, très, très hard. Oui. Mais pour répondre à ta question de Natacha, qu'est-ce que les féministes pensent, mais je pense que c'est un petit peu déculotté parce qu'il y a aussi une porno gay et lesbienne. Il y a des films porno qui sont faits pour les lesbiennes. Et oui, pour tout les à gays. Fait, mais et à un moment une donné, femme féministe est très prude au niveau de tout ça. Je suis sûr qu'il y a des féministes. Je suis sûr qu'il y a certaines féministes qui sont pour une certaine porno, les plus jeunes. Ah, je crois pas. Ah, ben, je faudrait. Ben, peut-être. Juste. La pornographie, en général, on peut. En tant que féministe, je ne pense pas qu'on peut aller en ce sens-là. Oui, c'est ça. Parce que c'est l'utilisation du corps de la femme, bon, ben, littéralement, ben, comme objet. Oui, mais quand c'est affaire à deux femmes, quand c'est lesbienne. Non, non, écoute. Non, ça ne change rien, lesbienne ou pas. Non, non, mais écoute, là. C'est l'utilisation du corps de la femme. On change le critère homme-femme, homme dominant, femme dominée. Mais tandis, tu as juste bottom aussi dans la mentalité gay, LGBT. Mais à un moment donné, là, écoute, je pense que. Il y a une porno, comme le site Pink, là, on peut regarder ça, Pink and White, qui fait qu'à un moment donné, c'est la porno complètement féminine. Féministe et lesbienne. Et il y a peut-être plus d'hétérosexuels qui ont acheté ça, mais le créneau pour ça, c'est une clientèle vraiment lesbienne. Mais oui, mais lesbienne n'égale pas féministe. Non. Et c'est là où le point est, c'est que l'utilisation du corps de la femme et de l'homme, par ailleurs, mais l'utilisation du corps pour vendre comme produit de consommation. Ah oui, mais aujourd'hui, ben oui, quand tu as affaire avec... Je suis pas convaincu que les féministes affirmés soient d'accord avec la pornographie, non, non. En général. Oui, mais c'est... Souvent, on casse les dents. Là. Moi, je suis contre la porno qui est faite contre les animaux, contre les enfants, contre des personnes qui sont pas capables de se défendre. Et contre certaines femmes aussi, mais quand même, parce qu'on axe beaucoup plus là-dessus. C'est plus ça pour moi, la pornographie. Là. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup de... Moi, qu'est-ce qui m'étonne aujourd'hui, quand on voit des personnalités publiques qui se font arrêter parce qu'ils ont emmagasiné des milliers de photos de pédopornographie, moi, je tombe du chambre des nues, je me dis, ah, pas lui, ça se peut pas. T'sais. Fait que là, moi, c'est plus ça qui me dérange. La pédopornographie ou... Oui, parce que... Ceux qui vont... J'ai vu ça sur le net à un moment donné. Je trouve ça dégueulasse. Un gars qui avait rasé son chien, le bas de son chien pour qu'il puisse avoir des relations anales avec son chien. Je trouve ça crissable. Complètement, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est ça. C'est que ça, c'est on criminel a, parce que l'autre est sans défense. On arrive dans il n'a pas donné son consentement. Dans la déviance, là. Ouais, c'est... Oui. La pornographie des viandes, je suis con. C'est, je veux dire, vraiment, je comprends pas. Mais la pornographie des viandes, ça, c'est une chose. Pornographie qui est socialement acceptée, parce que mm-hmm. ça représente les Est-ce fantasmes que c'est la porno? De... Il y a de la pornographie qui met en scène... C'est quoi l'érotisme? Des viols. Ben, c'est ça, c'est quoi l'érotisme? Là, ça devient l'érotisme quand c'est accepté. C'est ouais. Ah oui, c'est quelqu'un pour... C'est comme ça. Chaque personne, c'est différent, tu sais. Ben moi, ce que j'en avais lu, parce que je fais de la lecture de temps en temps, ce que j'en avais lu, la différence entre érotisme et pornographie, c'est à quel point l'érotisme, dans le fond, tu ne peux pas tu peux percevoir, imaginer, mais tu n'as pas d'image réelle, concrète de l'acte. De pénétration. Ouais. Exactement. Ouais. C'est ça. Un peu des Bleues Nuits qu'on avait. Oui, oui. Bon, je vous ressors quelque chose du fin fond du placard, mais qui a quand même éveillé... Éveillé la sexualité de plusieurs personnes. Dont la mienne, bon tard. Dont la mienne. Ça, c'était de l'érotisme. C'était de l'érotisme. Et effectivement, il y avait, peut-être quelques seins ici et là, mais souvent, ça tournait autour de l'histoire. Mm-hmm. Et c'est ça qui amenait. Et un peu à l'image de cet érotisme-là, la littérature érotique va favoriser peut-être un peu plus l'imaginaire érotique. On n'appelle pas de la porno, on n'appelle pas ça de la littérature pornographique. Je ne sais même pas si ça existe. Mais sûrement. À part en bande dessinée. En bande dessinée graphique, peut-être, effectivement. Excellente question. S'il y a des auditeurs qui savent. Mais regarde, il y a des gens pour qui le fait d'avoir une copulation avec un couple hétérosexuel ou même deux femmes avec un strap-on ou un gars qui va enculer un autre gars, c'est la pornographie à cause du geste. Je te rappelle, on est 11 heures. Là, oui, mais c'est ça. C'est comme on disait, c'est de la pornographie à cause du geste parce que visuellement, tu le vois. Oui, tu le vois, mais en même temps, comme je pense qu'il y a un festival du pénis au Japon, là. Dans la ville de Kawasaki. Ouais. Ça fait des centaines d'années que c'est là. On voit même des photos de jeunes filles avec leurs parents qui vont sucer des pénis en bonbons. Puis ils vont même, genre, faire du cheval sur des pénis. Comment on appelle ça, là? Du rodéo? Un genre de rodéo. Comme le cheval mécanique. Là. Je me dis, bâtard! On ne verra pas ça au Québec, pourquoi? Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. On rentre dans un débat politique. Non. Mais là où tu voulais en venir par rapport à différence entre érotisme et pornographie? Ouais. C'est quoi? Là, tu verrais de l'érotisme tombe dans la pornographie. Ah, c'est sûr que les deux sont liés l'un à l'autre. Les deux sont liés, dans le fond, au principe, comme on l'a dit tantôt, au niveau de l'excitation, tant féminine que masculine. On vient générer, dans le fond, de l'excitation chez le public. Là où la pornographie devient peut-être davantage problématique, c'est où elle vient imposer des modèles sociaux. Elle vient aussi un peu dénaturer. Et c'est peut-être là, dans ce cas-ci, où la différence vient. Elle ne vient plus solliciter l'imaginaire érotique, mais elle vient l'expliciter. C'est plus difficile ensuite d'avoir accès à son propre registre imaginaire parce que tu as un référent. Et ce référent-là, Il est imposé. Donc, quand tu as une relation sexuelle dite plus normale, c'est-à-dire avec un partenaire ou même seul, mais si tu n'as pas ce référent-là, ça peut, si tu consommes beaucoup de pornographie. Mm-hmm. Et c'est là où ça devient problème. Si tu consommes beaucoup de pornographie et que tu n'as pas ce référent-là, tu tombes à ne plus être capable d'être excité sexuellement. Ouais. Il y a des problèmes érectiles, il y a des problèmes de désir sexuel s'il n'y a pas tel ou tel élément, mais qui se retrouve exclusivement dans la pornographie explicite. Et c'est là où le bas blesse, si on veut. C'est comme si à trop vouloir en montrer, on enlevait ce pourquoi ça a été créé. J'ai vu des scènes dans l'émission Le Chardon et le Tartan, oui, qui a passé à Radio-Canada, des scènes où ce que Claire retrouve Jamie, dans le passé, Jimmy. Puis il y avait des scènes érotiques très fortes, puis je trouvais ça cool. Mais il y en aurait qui auraient dit, hey, écoute, c'est porno, yes. Est-ce qu'on voyait explicitement le pénis et les... Non, mais tu voyais les fesses, tu voyais le gars qui pénétrait la fille qui était en transe. Mais il y en a qui vont dire, c'est porno, puis on va pas regarder ça. Mais Chris, c'est une œuvre qui a été écrite par une femme non plus. Elle écrit 124 Mais ça existe, ça existe des femmes qui écrivent là de porno ou qui effectivement, présentent... effectivement. Puis je pense des consommatrices, pas de porno. Est-ce que c'est une féministe? C'est là où tu veux en venir? Non. Ça m'étonnerait. Non, non, c'est pas une féministe, mais parce que tu vois qu'il y a beaucoup de... l'homme est quand même présent. La masculinité masculine, elle est quand même présente aussi. Tu sais, c'est pas une femme qui va comme nécessairement comme avoir le désir de descendre un par rapport à l'autre, là. Mais c'était très égal, c'était très fun, très beau. Est-ce que vous avez vu ça, Charles? Oui, absolument. Ils disent au début qu'il y a des scènes qui peuvent choquer des gens à cause que c'est explicite. Il y a un langage grossier et aussi il y a des scènes d'explicitement sexuel. Moi, on m'a dit franchement, c'est fun qu'il y ait ça. Mais en fait, ça pourrait être remis à la rigueur. C'est moins sexualisé. En fait, ça ne tourne pas autour de... la sexualité. Il y a une contrairement, histoire. Oui, mais en fait, l'histoire n'est pas du tout... En fait, la sexualité est intégrée dans la réalité, dans l'histoire. Un peu comme la réalité. Et c'est là où encore, ça devient encore peut-être un peu plus intéressant de regarder vers ce modèle de littérature-là ou de cinéma-là. C'est où la sexualité est intégrée à la réalité. Où, on, dans le fond, on n'enlève plus... on n'a plus de filtre si on veut, où dans le fond, la sexualité ne devient pas le prétexte pour faire un film, mais est intégrée dans la suite logique de l'histoire. Par contre, tu me parles, tu dis ça. Je lisais un article qui disait concernant, parce que, écoute, il y a des. Ça a été étudié, hein, la littérature érotique. Oui, bien sûr. Étudiée. Sur, puis quand un éditeur doit mettre papier, souvent, il y a des règles là-dedans. T'sais, selon la clientèle à qui s'adresse le livre, il doit y avoir un orgasme à tant de mots, t'sais, à tous les 500 mm-hmm. ou 1000 mots. J'ai fait quoi? Mais tu sais, là, on parle d'objectifs, hein? Là, on utilise la littérature dans le but. Dans le but de. Expressément, oui. Là, de démontrer. Par contre, ça soulève encore la différence entre la pornographie en vidéo puis la littérature. Mm-hmm. Ce que je crois, c'est que ça permet encore à la personne qui fait sa lecture de s'imaginer la scène. Exactement. Et ce que tu nous disais tout à l'heure, et c'est ça qui reste, que tu n'enlèves pas à la personne, puis ça lui permet de pouvoir continuer à avoir une sexualité sans être accroché à un... le référent. Oui, le fameux référent ou une image particulière et précise. Je suis obligée de regarder des vidéos avant d'avoir une relation. Non, tu n'es plus obligée parce que tu peux utiliser ta tête. C'est ça. Et te mettre à la place du protagoniste ou à la place du personnage ou peu importe dans la situation. C'est plus peut-être plus facile de s'approprier finalement cette réalité-là alternative et voilà. D'en tirer une source d'excitation. Alors que la pornographie, c'est comme du fast-food. Mm-hmm. Tout à fait. C'est rapide, mais en même temps, ça soutient pas longtemps. Mais c'est exactement ça. Hein? C'est, je pense qu'il est là le parallèle à faire. Mais peut-être que Pierre a une autre opinion. Mais non, tu l'as très bien dit. Je trouve que c'est vraiment ce qui résume le plus la différence, selon moi. D'abord, non, sinon, il est en fait, ouais. Moi, la meilleure. J'en parlais dans mes cours aussi. Une des meilleures, et je crois que c'est Elena Rice qui a écrit Derrière la porte. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, je me souviens de ça. Derrière la porte, ça dit quelque chose. C'est un livre quand même assez qui a de l'âge. Là. Je ne pourrais pas vous dire quand. Mais c'était un livre dont vous êtes le héros. Waouh! Oh, ça va être intéressant, ça! Très intéressant. Je pourrais vous le prêter. Oh, il colle un peu, mais c'est pas grave. Non, mais... Enfin, les yeux. Et il est autant version homme que femme. Ah oui? Bien sûr, on était encore à l'époque de l'hétéronormativité, là. Oui. On s'entend. Mais oui, il y avait un côté homme et il y avait un côté femme. Et je me suis plu à lire les deux côtés, bien entendu, et à me mettre dans la peau d'une femme et de vivre ma sexualité fantasmée à ce moment-là, dans ma lecture, à travers les yeux d'une femme. Et le style d'écriture doit être tellement différent. Complètement différent. Oh, que ça doit être bon de savoir, oui. Tu sais, de permettre à l'autre de lire quelque chose qui te rejoint plus du côté féminin, exact. Et de permettre, tu sais, du côté masculin aussi. J'aimerais donc pouvoir savoir, OK, qu'est-ce qui excite un homme en littérature? Et qu'est-ce qui excite une femme? Et voilà. Oui. Ah, c'est donc bien intéressant. C'est, oui, particulièrement. Ben, je vois là. Hein, ah, je fais le bibliothécaire. Les années, comme je t'ai dit, la littérature, il y a très peu. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes qui lisent ça, mais il y a beaucoup de femmes qui lisent la littérature érotique, tandis que les hommes sont plus sur les films érotiques ou pornographiques, peu importe. Là. Peut-être quelle connotation. Mais je crois que tu as raison. Parce que on est plus visuel. Les hommes. Oui, nous, c'est vraiment plus dans l'imaginaire. C'est plus une bonne intériorité. Puis sur ça, vous avez plus une fantasmatique qui joue dans l'érotisme romantique. Mais nous autres, on est plus, je dirais, génitalisé. Par contre, il y a de bons ouvrages pour ce qui est des hommes qui ont besoin de visuels en bande dessinée. Oui, effectivement. Ben, les bandes dessinées, justement. Il y en a des... Il y a certains DC Comics, là, entre guillemets, tu regardes ça, tu te dis, « Wow, c'est pour les enfants, ça. » Ah, mon doux, il y en a, je vais essayer de retrouver ce que j'avais vu. Regarde juste Wonder Woman ou Supergirl, là, non, les années 40 qui ont été faites. Attends une minute. Les années 40, là, la Wonder Woman, tu vois, dans le film aujourd'hui, là, en 2017-2016, c'est pas la Wonder Woman des années 40, là. Elle était beaucoup plus sexualisée dans les années 40-50. Oui, mais t'es habillée. Oui, mais c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on a refait le costume de Wonder Woman, mm-hmm. et on n'a pas mis l'accent sur ses seins. Alors, regarde Linda Carter dans l'émission, justement, Wonder Woman, qui a passé dans les années 70 aux États-Unis. La Wonder Woman, là, dans ces années-là, avec Linda Carter, elle avait toute une paire de seins, hein? Puis on était assez focalisé sur les seins. Tandis que la Wonder Woman, là, maintenant, là, tu ne sais pas axé sur les seins, ni sur les fesses, ni sur les jambes. C'est vraiment comme... C'est pas à genre, pantoute, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est comme... C'est moins... moins sexualisé. Hein. C'est moins sexualisé, c'est plus axé sur les performances. Et mais c'est... Et par ailleurs, c'est ça vrai. Devrait être comme ça. Puis Supergirl, on la faisait avec des gros seins. Tu sais, puis une paire de cuisses, là, elle avait juste un genre de tutu, là, je veux dire, là. Ah oui, là, okay. Non, pas un tutu, mais un genre de petite queue, de pas de robe, c'est pas ça. Peut-être une genre de robe, là, genre, qui était vraiment au ras, là, je veux dire, en bas des fesses, là. OK. Et elle était très sexualisée, Supergirl ou Superwoman, peu importe, là. Alors, regarde ça dans... DC Comics. Oui, DC Comics. Parce que des fois, je me mélange avec ce Batman qui n'était pas dans DC Comics. C'était quoi? Batman, il en fait partie de la famille DC. Avec Superman Supergirl. Mais il y a Marvel? Le Marvel, effectivement, il y a Marvel. Hulk, c'est Marvel, oui, OK. Puis c'est DC ou... C'est ça. Non, mais c'est deux compagnies différentes. Oui, mais lequel est attaché à lequel? Superman sont ensemble. Dans la même c'est vrai. Famille. Ouais. C'est vrai. C'est parce que la Ligue des Justiciers, là, on est loin de la sexualité en bâtard. La Ligue des Justiciers inclut notamment Batman et Superman, et c'est d'ailleurs deux adversaires. Oui, c'est vrai. Pendant un certain temps, avant qu'ils ne se joignent tous ensemble. Mais quand moi je parlais de bande dessinée érotique, je ne parlais pas des DC Comics ni des Marvel. Je comprends ce que tu veux dire. Par contre, qu'à l'époque, les dessins étaient plus axés sur... la génitalité. OK, qu'aujourd'hui. Peut-être pas Superman, mais plus sur le côté féminin. Là. OK. Même on les fait même plus en ce moment, en fonction de la... Pas de la généralité, mais plus sur le côté LGBT. On dit une telle... Elle est lesbienne. Un tel est gay, tu sais, dans les super-héros, chose qu'on ne voyait pas avant, tu sais. On a Sex Story, la première histoire de sexualité BD par Bruno Philippe. En quelle année? C'est récent, me semble, ça. Je ne sais pas. Du moins, tout ce que je sais, c'est que c'est par les éditions Gallimard, notamment. C'est des Français? Oui. Oui. Comme je me prends, c'est des Français, là. Mais donnez-moi quelques petites secondes. Il dirige, dirige les enseignements de sexologie et sexualité humaine à l'Université de Paris-Descartes et président à l'Observatoire international du couple. Donc, Odile Jacob, inventeur le couple aux éditions. OK, aux auditions, Odile Jacob, inventer le couple, le génie. Moi, je pensais que c'était la série des Martines, j'avoue. Que... Martine va à l'école. Martine fait la vaisselle. Martine taille une pipe. Et sur ce, on va vous revenir après la pause. Chers auditeurs, restez là. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. 89.1. Le blog écoutedonc.ca se transporte à la radio. Karina Tardy et ses collaborateurs vous attendent chaque mercredi sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire de découverte musicale et de critique de spectacles de la région tous les mercredis de 18h à 20h avec écoutedonc.ca. Ce qui se passe sur le campus, ce qui se passe à Trois-Rivières, nos journalistes vous le partagent avec passion. Zone Campus, le journal étudiant qui vous tient au courant. Retrouvez-le dans chaque pavillon de l'université ainsi que plusieurs commerces du centre-ville. Patriotes en action. Pour l'actualité sportive universitaire et amateur, les jeudis matins sur les ondes de CIFU. C'est fou! C'est fou! 89.1. Pierre, juste avant la... Oui, de retour, c'est vous le sexe par ailleurs. 11h16, vous êtes dans la meilleure station de l'univers, je pense. Oui, au moins. C'est fou, 89.1, la meilleure station. Faut l'être. Et avec des émissions de qualité comme Assemblage requis. Wow. Bon. Fouillez-moi pourquoi. On a encore un temps. Il n'y a pas tellement de talent en arrière de la console aujourd'hui. comme j'ai introduit déjà, on a Pierre qui fait des bruits de feuilles, puis Mélanie qui fait des bruits d'ordinateur. Pierre, juste avant l'entrée en onde, nous parlait de que le thème de retour était très sexuel. Et d'emblée, je me suis lancé sur un « non, pas vraiment », mais en même temps, quand on y réfléchit, est-ce qu'il y a des musiques qui vous allument? Quand tu as parlé d'érotisme, de pornographie, mais de c'est vrai que érotique, moi, il y a certaines... est-ce qu'il y a certaines musiques qui vous allument? Qui peut accompagner vos moments? Le saxophone... Le saxophone, c'est quand même un instrument qui peut allumer. Même on a mis des thèmes érotiques avec du saxophone. Non, mais moi, honnêtement... Du saxophone. Oui. Okay. Merci de me couper. Excuse. Si bien. Elle se sent tout le temps c'était... coupée, elle, hein? Moi, je me sens tout le temps... rejetée, victimite, hein? Non. Moi, quand j'écoute The Weeknd, ça vient quand même me chercher. C'est une musique très érotique en soi, The Weeknd. Tu connais? Non. Tu connais pas Anthony? Non, on connaît pas moi non plus. C'est quoi, ça? Toi, on t'entend pas, Mélanie. Non, pourquoi? Ça passe pas à la radio classique. Ah, tiens, bonjour. Oui. Si tu parles devant le micro, ça... Ah, oui, OK. Non, mais je pense que j'ai accroché le fil derrière. Ah, tantôt. Petite coquine. Coquine, On a-tu dit The Weeknd, hein? Oui. T'as-tu une... Une en particulier? Attends, je suis en train de chercher ça. Bon. Regarde mais écoute, sûrement qu'il y a des musiques qui sont un peu plus... qui stimule un peu plus l'imaginaire dans l'érotisme. Sinon, il n'y aurait pas de bar de danseuses avec des tunes classiques. Mais il y a Often, il y a Can't Feel My Face, Earn It. Tu sais, Earn It, c'est dans la trame sonore de Fifty Shades. Oh. Ah, on va se la jouer direct là. Ça fait planant, hein? Ben, c'est vraiment, puis dans certaines chansons, c'est hyper vulgaire, puis c'est très bestial. OK, il y a de tout. C'est très cru, là. OK. Mais c'est avec une sonorité assez sensuelle. Un oui, tango, le, toi. Oui, le clip est quand même... c'est très un peu burlesque. Ah, il y a une vidéo qui vient avec ça, qui... Pierre? Fit, non, comme pas. Tu dis. Tu manques ce que... Non, à cause de la lumière. Oh, c'est très sensuel. Oui, c'est beau. C'est... Ben, on ne voit rien, là, mais... écoute, je me touche. Non, mais... C'est... Non, mes deux mains sont sur le bureau, tout le monde voit. Je me touche le genou. Pas plus. Ça pour dire que... Un matin, un peu indiscipliné. Mais... Oui, ça a une belle sonorité. Une belle sonorité chaude. Mettons que tu dis à ta blonde, « Hey chérie, je te masse à soir, puis tu mets ça. » Ah, des femmes sont nues, je pense. Ah. Ouais, elles sont pas très habillées. Je sais pas si t'as remarqué que c'est des cravaches qu'ils ont dans les mains. Oui. Parce que je trouve qu'on... Donc là, si tu nous parles, Anthony, on va mieux t'entendre, je crois. Ah, on entend la musique en fond. Mais... l'intention qu'on m'entende. J'ai mis sur le site de radio, l'équipe, là, une chanson des Nexus, Never... Ouais. Never... attends une minute, là. Mm-mm. Never Us Apart. Que tu disais qu'elle allait être bientôt dans la prochaine... À la bande sonore du film... Fifty Shades. Mais attends, ouais. Fifty Shades, là. C'est une femme qui chante ça. OK. À part Fifty Shades, savez-vous ce qui sort là, de ce temps-ci en littérature chez les libraires? Non, c'est quoi? Est-ce que tu le sais? Ben, moi, j'ai parlé à une libraire et puis je lui ai demandé. Dis-nous tout. Hein? Dis-nous tout. Ah ben, je vais vous dire ça. Là, ce qui sort beaucoup, c'est Anaïs Nin. Oui. Ça, c'est pas jeune, ça. Elle est morte en 1777. Elle a fait des trucs avec Henry Miller. Hé, hey, un connaisseur. Oui, oui. Henry Miller, qui a fait Tropique du cancer et Tropique du Capricorne. C'est de la littérature érotique ou de l'horoscope? Mais elle, Anaïs Nin, était versée dans la bisexualité. Puis, OK. Et, puis elle a eu une relation très sexualisée avec Henry Miller. Là. Sinon, elle me disait aussi que Vénus Erotica, oui. ça sortait aussi beaucoup. Oui, oui, oui. La femme de papier, ça, j'ai pas regardé, mais elle me disait, ça, c'est des gros noms qui sortent beaucoup. Elle dit, évidemment, tous les coffrets à faire rougir, je me souviens plus du nom de la... C'est-tu Marie Gray, c'est-tu ça? Hier, j'étais allée au Costco, puis il y avait t'as justement un livre que j'ai pris en photo parce que je savais que je me rappellerais plus du titre. C'était quoi? C'est Mary Gay, justement, Histoire à faire rougir, collection ultime à 11,99. Moi, je me souviens d'avoir déjà lu du Mary Gray il y a longtemps. Mais ça avait l'air intéressant. Non, ben, ça dépend. Écoute, ouais, moi, c'est ma grand-mère qui écoute ça, qui dit ça. C'est donc bien drôle. Ouais. Ma grand-mère, quand elle me dit « j'ai plus de lecture à faire », c'est ça que ça veut dire. Ah oui? Mais ouais. C'est intéressant, justement. À partir d'un certain moment, je ne sais pas si ta grand-mère elle est célibataire ou... Ouais. Où tu n'as plus accès nécessairement à un partenaire, mais que tu as encore ce besoin de séduction, de romantisme, ou toutes les dimensions de sexualité, finalement, que tu n'as pas accès par la masturbation net frais de sec. Sans nécessairement avoir un orgasme physique, d'être titillé. Ben oui, oui. Sinon, elle me parlait aussi d'histoire d'eau. Ah, c'est vieux, ça. Oui, mais ça a l'air que ça sort encore. Les années 70. Ça sort, ça a l'air que c'est ça. Ben, à part Fifty Shades, là, c'est ça qui sort. Dans la librairie. Sinon, si vous voulez vraiment de la littérature érotique, il y a aussi des sites. Maintenant, c'est pas seulement papier, hein, la littérature érotique. Tu me dis, c'est vieux. Est-ce que ça se pourrait par hasard qu'avec l'arrivée d'Internet, les éditeurs aient moins envie de mettre papier les livres érotiques? En ligne, peut-être. Ouais, il y a de plus en plus d'histoires érotiques qui sont sur Internet. Mm-hmm. Et puis, d'ailleurs... Mais je pense qu'il y a quand même si on est en 2018, il y a quand même une peur du jugement. Tu sais, des enfants qui vont... tomber sur le livre! Ben, tomber là-dessus, ou... Tu sais, c'est vraiment... Ben, ça arrive. Ouais. C'est la réalité, hein? Oui, absolument. Ce matin, j'ai manqué de temps. J'étais censé d'amener une partie de ma collection, en fait, parce que... Ben oui, il y en a. Ben oui, gros pervers. Gros caja. Même pas. Ben, en fait, je les ai, puis je les ai même pas lus encore. Ben oui, je suis comme ça. En fait, je collectionne les livres. J'aime les livres et la littérature érotique en fait partie. Tu lis bien. Tu collectionnes, mais tu lis pas. En fait, je lis, mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de livres. OK. Ça tourne autour de 3000. Quoi? Oui, c'est ça. Donc, j'ai pas nécessairement eu le temps de tout lire. J'y vais par priorité actuellement. Donc, j'ai certaines BD à caractère érotique ou même à caractère sexologique. Et ça aurait pu être intéressant aussi de dresser le parallèle avec tout ça. Bon, attends un peu. La bande sonore de Fifty Shades of Grey, c'est Never Toss Apart. Il veut absolument que... In Excess. Je vais vous mettre ça. In Excess. Et il y a aussi un auditeur qui nous a écrit que lui a un album fétiche en tant que musique qui se marie bien aux relations intimes. Il dit, il s'agit du CD Magic Potion des Black Keys. Il dit, à prime abord, ça semble plutôt surfait comme opinion, parce que c'est mon groupe préféré, mais une fois bien plongé dans le érotique, c'est très entraînant. Puis, prompt rétablissement, Natacha. Oui, hein, parce qu'on t'en a poussé. Oh, il est fin. Ton léger malheur n'enlève rien à ta douce voix. Oh, merci. Gênez-vous pas si vous voulez nous envoyer des commentaires. On les apprécie toujours. Merci. Et vos chèques sont dans ma map. Bon. Ça, c'est In Excess. Oui, mais c'est repris par Fifty Shades of Grey, hein? OK. Ouais, ben là, je voulais vous oui. aider la... Mais il faut dire que Michael Hutchins de Inexcess est mort d'un jeu érotique fatal, hein? Lui oui. celui qui chante, là. L'auditeur disait que c'était quoi? Lui, il nous parlait du CD Magic Potion, des Black Keys. Ah, c'était bon, ça. Ben, c'était bon, mais à un moment donné, hein? On les arrête. Mais moi, je suis vraiment intriguée par The Black Keys. Oui. Le choix d'un auditeur. À lui, qu'on c'est salue, ça. Lui, d'ailleurs. De ce que j'en comprends, c'est une fois bien plongé dans le érotique, c'est très entraînant. Je crois que ça doit être plus entraînant, justement. Ben, c'est quelque chose d'un peu plus bestial. Ouais, j'ai hâte d'entendre. Ça a l'air d'être un album, donc... Oui, c'est l'album. Il nous a pas donné... C'est une bonne façon de gauger si on est performant ou pas, si on dure assez longtemps ou pas. Tu te rends à la deuxième. Ouais. Ah, ça dépend du nombre de tunes que t'as passé, ouais, tu as passées, c'est ça? Okay. Tu gauges avec le nombre de tunes. Bon, on est rendu à 8e. Ça va bien. Ben, je pense que je commencerai avec The Weeknd, puis oh, après ouais. une couple de tunes, j'embarquerai sur, oh, ouais, sur ouais, cet album. Avec celle-là. Ben oui, comme dirait une petite compilation. Ben oui, notre auditeur, une fois que t'es dedans... Ouais, ça tient le rythme. Sérieux? Ah ouais. Il me semble que je fais horny tout d'un coup. Et voilà, c'était The Black Keys, Your Touch, sur les ondes de C'est Fou 89.1. Si vous voulez avoir accès à toute cette belle musique, ben j'ai utilisé YouTube simplement pour avoir les accès, joies de YouTube. Les joies de YouTube, ça nous fait découvrir des choses. Et quand même, ça reste dans notre sujet. Mais par contre, mettre de la musique, est-ce mm-hmm. que, et là, on est un peu hors de notre sujet, mais ça reste dans le sujet de la musique, ça reste dans le sujet de la littérature, puis de l'imaginaire. Quoi donc? Mais est-ce que ça vient un peu faire d'être trop prévisible dans notre... Mon Dieu! Tu sais, de ritualiser... Tamiser les lumières, les petites musiques, chandelles, mettre ben, là, je t'attends, viens-t'en, chérie. Ouais, mais tu peux écouter ça dans l'auto, puis que ça vienne te chercher, puis une petite vite, tu bordes l'autoroute, tu sais. Et... Ce qui est illégal, par ailleurs. On vous le rappelle. Écoutez pas ce que je dis, mais faites ce que... Faites ce qu'elle fait, mais... Faites ce qu'elle fait, écoutez-moi ce qu'elle dit. Non, mais tu nous amènes dans ta chambre. Hein? Des chemins de la... Hein? Mon Dieu, désolé. Du péché mortel. Non, mais Natacha ne fait pas ça. Ah non. Non. Allez. Moi, elle n'a pas de sexe avant le mariage. Exactement, bien. Elle a beaucoup lu les Martines, comme on disait. Hein? C'est ça, Natacha. Oui. C'était... Ouais. Écoute, veux-tu que je te dise quelque chose? Oui, vas-y. Qui va te surprendre okay, au plus haut point. Vas-y. Jusqu'à l'âge de 12 ans, je voulais être religieuse. On doit tout passer par là, je pense. Tu peux-tu croire? Oui. On a été éduqués dans une... Ben, je sais pas pour toi, Natacha, mais moi, je sais que j'ai été éduquée... Je suis quand même jeune, à moi. Mais contrairement à toi. Aïe! Oh non, mais j'ai pas été élevée dans un... On va l'avoir, notre combat, d'Angelo. Okay. J'ai pas été élevée dans... Dans la religion? Dans la religion, non, pas du tout. Mais je sais pas pourquoi, en fait. Les valeurs, non, mais la société générale, veut pas, on a quand même poursuivi dans un... Je sais pas, j'étais fascinée par cette sagesse-là que ces femmes-là ont. Oui, quand même. Parce que j'étais allée au CMI aussi, avec enseignée par des religieuses, d'ailleurs. Fait que je sais pas, j'étais... Okay. Pour moi, c'était comme une vocation, là. Clairement. Mais... Qui croirait ça aujourd'hui? Bref. Mais on a tous besoin, je crois, à un moment ou à un autre dans notre vie, de se poser sans la question, tu sais. Peut-être moins aujourd'hui, mais comme dans mes années d'Étienne, dans Sœur Pierre.

De retour. Bon, on a fait ça juste carrément pas marcher. Ben, c'est pas grave. C'était dans mes écouteurs à moi. Ok, c'est pour ça que j'entendais pas. Je faisais une nouvelle introduction. Ça, c'est Avenged Sevenfold, LP King, mais juste pour l'intro, que je trouve intéressante. La misère avec mes écouteurs, matin. Tu dis chose. Chose, ils vont introduire quoi? Hein? T'as dit c'est pour l'introduction de choses. C'est pour l'introduction. C'est pour l'introduction de la. De l'émission? De l'émission. Un retour, si on veut. Retour de la pause. Un retour de pause. Je l'avais tellement bien placé, mais il était dans, uniquement dans mes écouteurs. Fait que là, il y a eu un beau moment de silence à la radio. C'était génial. On fait de la. Ah, Seigneur. En fait, prendre mes médicaments le matin avant de venir à l'émission. Remind à moi-même. Tu vas te mettre une alarme. Mettre une alarme. Seigneur. Quand j'ai pas de cours, j'essaie de pas prendre la médication au niveau du TDA. Fait que, ben c'est ça, j'ai pas de cours, bâtard. Fait que sur ce, Natacha. Mais non, notre cher collègue. Ah, oui, mais j'avais quelque chose à dire. Ben oui, première des choses, pour ceux que ça intéresse et qui sont bien curieux, il y a un site qui est jesuisvenu.com avec un titre comme celui-ci, « Devinez ce qu'il y a dedans ». Alors, c'est plusieurs petites histoires érotiques que je voulais seulement vous partager que ça existait. Et puis, l'autre chose que je voulais partager avec vous, c'est 10 auteurs de littérature érotique québécoise. Ça, c'est un article qui vient de la revue Les Libraires, leslibraires.ca. Alors, on parle au Québec. Qui est-ce qui écrit? Bruno Massé. Manon Massé? Non, pas Manon. Bruno Massé. Bruno Massé, okay. Oui, excusez, je suis rigolo. Il y avait une joke avec lui. Voilà, ça va. OK. Ensuite, il y a Jimmy Beaulieu. Lui, c'est plutôt au niveau de la bande dessinée. Nelly Arcand avec son roman Putain. Évidemment. Un classique. Virginia Pézé-Mapéo-Bordelot. Elle, c'est un roman, L'amant du lac. Ah oui, on dit « La première autochtone a signé un roman érotique ». Quand même! Oh, c'est bon. On lève notre chapeau. Le recueil pour découvrir nos auteurs contemporains sous un angle coquin. Le recueil s'appelle « Nu ». Et là, c'est plusieurs auteurs, évidemment. Marie Gray. Ah, je ne savais pas. C'est une Québécoise. C'est ce que je m'en ai. Bon, on ne fait pas juste se chicaner dans du pudding, nous autres, là. Ben non. Donc, avec... un beau moment aussi à cette émission-là. « Histoire à faire rougir », c'est ce qu'elle écrit. Marie-Cécile Labrèche, celle qui dit tout avec fougue, et son roman « La Brèche ». En deux bouts. Je me demande, c'est-tu la fille de... Aucune idée. De Marc Labrèche, non. Je pense pas. Elle avait un nom composé, celle-là, en tout cas. Oui, mais elle fait de la télé. Ah, c'est Labrèche d'or. Elle fait quoi? Elle fait de la télé, plutôt. Sinon, il y a d'autres recueils. Un recueil pour une diversité d'origine et de goût qui s'appelle « Volcanique, une anthologie du plaisir ». Un autre recueil qui évoque d'autres temps, d'autres mœurs, « Quand Marie relevait son jupon », des histoires libertines inspirées d'un autre temps. Oh boy, on parle de 1600, ça fait longtemps. Et Annie Ouellet, pour un récit où les liens amoureux sont réels. Leur roman s'appelle « Le maître Shibari ». Alors, tout ceci, si vous voulez, je pourrais le mettre sur la page. Bien entendu. La page. Et je t'ai envoyé aussi le lien pour le livre. Oui, bien sûr, je le mettrai sur la page Facebook de l'émission. Et voilà. Donc, de belles découvertes à faire sur notre site ce matin. Merci aux auditeurs qui prennent la peine de nous écrire. C'est très apprécié. C'est fort que Natacha reçoive des... Oui, il n'y a pas juste Natacha. Ah, oh, il y en a du autre? Oui. Ça nous arrive. Natacha! Oui! Dis-nous tout! Qu'est-ce que vous voulez entendre pour vous faire rougir ce matin? Tu veux nous faire de la lecture? Un peu. Ouh! Un peu. En fait, c'est pas vraiment de la littérature érotique. Tout le monde connaît la sexologue Sylvie Lavallée. Cette année, elle a écrit un livre « Êtes-vous en santé sexuelle? » C'est vraiment un livre qui est fait sous forme de questionnement personnel, un un cheminement de couple, si on peut dire. Okay. Qu'est-ce qui nous... qu'est-ce qui manque à notre vie sexuelle? Il y a plusieurs, comme chaque chapitre apporte un questionnement, mm-hmm. puis apporte une réflexion. Donc, j'en dis comme ça, vite fait. Faites-vous votre devoir conjugal. Au lit, ça se passe comment? Embrasse-moi comme tu m'aimes. Je t'interromps une seconde, Natacha, pendant ton pour saluer Mélanie qui nous quitte jusqu'à la semaine prochaine. Parce qu'elle doit quitter aller à son cours, hein, parce qu'on a des... On se rappelle, on est une radio, certes communautaire, mais surtout universitaire, donc bon cours. Merci beaucoup. Poursuis, chère Natacha. Bienheureux, les infidèles, l'infidèle réveille et relève. Comment? J'ai tellement pas suivi, là. Bienheureux, les infidèles, oui. L'infidélité réveille et révèle. Ah, OK. Bien alors... dormir pour bien jouir. Lorsque des ennuis de santé nuisent à votre sexualité, elle aborde vraiment plein de la pornographie parasite conjugale. Avez-vous des regrets sexuels? Tu sais, c'est vraiment... C'est vraiment bien fait. Je l'ai feuilleté, j'ai pas eu la chance de le lire. Mais bref, si jamais vous voulez mettre du piquant dans votre vie, puis vous oui, comment tu dis ça? Si vous voulez vous accorder un moment pour vous et vous remettre en question sur vos mœurs sexuelles. Excuse-moi, c'est moi qui fais du bruit, là. C'est pas Pierre. Mais bref, c'est un livre que je vous conseille, puis il est pas cher, fait que gâtez-vous. Il est pas cher? Il est pas cher. Ouais. Ben, c'est une vingtaine de dollars, fait que... Mais c'est davantage de l'éducation à la sexualité que... Oui! Tu vas me chicaner, hein? Oui, je vais te chicaner. Anecdote pour tout le monde qui veulent faire de la radio, qui ont déjà fait de la radio, quand on tousse, c'est sûr que tousser directement vers le micro, c'est moins, moins sexy pour nos auditeurs, du moins pour leurs petites oreilles. C'est pas ça, je te chicane. Je suis désolée, chers auditeurs. Mais Natacha est tellement pas malade régulièrement que je pense que c'est arrivé qu'une seule fois. Mm-hmm. C'est pas un réflexe que tu as pris. Tandis que j'ai eu le rhume très longtemps et j'ai dû tousser et j'ai dû retousser, mais de façon glorieuse. Ouais, mais toi, t'as la console, fait que tu peux fermer ton micro. Moi, je ferme mon micro et je me tourne. Mais chose c'est ça, que toi, je peux pas faire. Mais non, puis j'ai pas le doigt sur le piton assez rapide pour te laisser t'adonner à ton plaisir. Donc, autre ce charmant livre. Autre ce charmant. Il y a l'émission. Un film que je crois qu'il vient de quitter les ondes des cinémas, mais c'était Trip à trois. Oui, avec Martin Matt. Ouais. Et sa collaboratrice. Attends. Mais ça, c'est vraiment des films qui portent à. À réfléchir. Il y a eu un autre film, je pense, c'est l'année passée. C'était vraiment sur la vie sexuelle là, avec Julie Le Breton. C'était vraiment bon. Puis ça porte justement la fidélité du couple, puis comment gérer ça, comment gérer que son chum se masturbe et parce que pour certains, c'est de la tromperie. Il y avait les trois petits cochons, notamment, qui parlaient beaucoup de ça. C'était avec Julie Lemont. Oui, bon, c'est... La collègue ou la co-vedette du film Le Trip à trois de 2017, c'est Mélissa Desormeaux-Poulin, du réalisateur Nicolas Monette et un scénario de Benoît Pelletier. Donc, pour ceux qui ont... tu dis qu'il n'est plus en salle actuellement? Il me semble que non. Ça fait un bout qu'il était en salle. Mais sinon, il va certainement être disponible. Exactement, bien sûr. Pour ceux qui s'intéressent. Autre sujet, je vous parle de plein de petites choses très quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien par toi. Continue. Ah oh là, Anthony! Le festival. Le fest... Le quoi? Comme le festibière, mais c'est un festival. OK, mais on peut-tu boire de bière? Dans un vagin. Il y a des affaires que je veux pas faire dans la vie. Attends une minute. Tu pètes la brûle, là. Non, c'est un festival francophone. Francophone. Okay. À Montréal. Fait que ça va être vraiment plein d'artistes. OK, j'allais... J'ai tellement eu peur quand tu m'as dit... Bon, OK. Si t'as envie de mourir, dis-nous-le. Ouais, je vais fermer ton micro pendant que tu tousses. Elle ne quinte de tout. C'est le temps de la grippe, hein? Une quinte de tout royal. Mais l'affaire, c'est qu'un festival, là, c'est à Montréal, ça, non? Et rouge, bleu, orange, Natacha, Thierry. C'est crampé. À Montréal? Ça aide pas. Le festival, non? C'est-tu à cause du festival? On présente ça avec des Onion Ring. C'est oh ça? God. Puis la brume. C'est tellement c'est beau comme maman. Hey, je fais encore de la fièvre. Fait que soyez indulgents. Ben oui, on est indulgents. Ben oui, mais je pense que tous nos auditeurs t'aiment d'un amour incommensurable. Parenthèse médiatique. Yo les médias qui propagent n'importe quoi sur Festibule. Avant de dire ou d'écrire des trucs pas possibles, contactez-moi. Je suis parlable. Ça va être plein d'artistes. Qui mettent l'emphase sur le vagin. c'est le 16 et 17 juin à Montréal. Hey, je veux y parler. Y a-tu moyen d'organiser ça? Bon, c'est sûr. On va okay. Organiser semaine prochaine, ça. Je la veux. Tu la veux? Ben oui. Okay, ben, au sens radiophoniquement parlant, oui, je la veux. Je veux discuter avec cette personne. Est-ce que tu sais c'est quoi l'adresse email pour les contacter? vaginconnaisseur@gmail.com vaginconnaisseur. On s'entend que je veux pas nécessairement envoyer un courriel. Non, mais... Puis recevoir un courriel, puis que, je sais pas, ma femme passe par là, puis lit, hey, du vagin connaisseur. Vous avez un nouveau email de vagin connaisseur. Je ne sais pas comment ça va. Je trouve que ça fit bien avec toi. Vagin connaisseur. Ben oui, mais je suis... Sincèrement, là... J'ai hâte de faire mes cours de, de sexobiologie. Tu penses que je vais être déçu? Ben, c'est pas pareil. C'est pas la même... en tout cas. Il y avait aussi le 14 décembre. Le 14 février. Pour la Saint-Valentin. Ah, oui, OK, parce que c'est pas normal. À Montréal, toujours, il y a un... pas un musée, mais un truc d'art... relié au sexe. Je suis en train de chercher la page en vous parlant. Je suis désolée. Un musée relié au sexe. Ben, ouais. ça peut être fort intéressant. Il y a ben, des musées. C'est le marché d'or érotique. Le 14 février. Oui. De 18 à 20. Ben, de 6 heures à minuit, en fait. OK. Puis, marché d'or érotique à l'occasion de la Saint-Valentin, peinture, bande dessinée, illustration, chandelles, dessins, photographies et autres items. Ben, j'aimerais que tu nous envoies le lien sur notre page Facebook et j'aimerais que tu rappelles à Mélanie par courriel. Je vais. Un petit courriel de la contacter, la dame du festi. Vulve. Oui, bien, comme ma fille de 4 ans dit, festibule. Elle, c'est pas une vulve. Non, elle a pas une vulve, elle a une bulle. C'est cute. Ben oui. Tu sais, je sais pas. Hein? Non. Maman, tu peux-tu m'essuyer la bulle? C'est cute. Ah. Mais. Non, mais les enfants, à travers la sexualité, c'est la découverte de leur corps, la découverte de la... Oui, de la... Mais Anthony, en étant papa, comment est-ce qu'on fait pour aborder ça chez les jeunes enfants? Ben, vous avez juste à venir à la conférence du 12. Mais mets-nous un peu l'eau à la bouche, là. Comment qu'on peut aborder? Ben, à travers leurs yeux, l'eau aussi. À la bouche. Hein? L'eau à la bouche. Pour la conférence, hein? On s'entend. Je pense que le cœur du message, c'est faut se mettre à leur place, dans leurs yeux d'enfant, de ne pas chercher à décrire les choses comme nous, on les voit. Mais par contre, de comprendre leur réalité, qu'eux aussi peuvent avoir des pulsions. À un an, à deux ans, à, ben peut-être pas un an, mais à deux ans, quand ils se mettent la main en couche, puis que, ben, à la rigueur, ils aiment ça. Mais plutôt que, justement, de les réprimander, de les, ben de se mettre à leur place, puis de se dire, OK, comment j'aurais voulu vivre? Mm-hmm. Donc, de les initier à la notion d'intimité. Oui, ça, tu peux le faire, mais dans ta chambre, quand t'es toute seule, quand t'es tout seul, c'est correct d'avoir du plaisir, c'est correct de se toucher, mais donc, mais de le faire tout seul, ton corps, c'est ton corps. Fait qu'on parle de notion de consentement déjà là, sans l'expliciter, sans mm-hmm. le décrire, puis le... Comme tous les bons universitaires font, de vraiment de mettre une définition sur le processus. Mais j'imagine que juste, tu sais, comme l'heure du bain, tu sais, juste dire des petites choses comme, tu sais, tu le sais, ton corps, c'est à toi. Tu sais, des petites choses. Et de respect. Pas banales comme ça, mais. Tu sais, ben, commencer. C'est pas banal, en fait. Tu sais, comme, tu peux pas arriver puis tout déboucher one shot à un enfant, j'imagine, tu sais. Tu sais, l'enfant, il a envie de se faire flatter le dos, envie de se faire flatter le pénis, envie de se faire flatter la Pour la lui, c'est tout pareil. Pour lui, c'est tout pareil. Ben non, c'est ça qu'il faut expliquer. Ben moi, ouais, ça se fait pas. Hey, c'est sale. C'est pas sale. Ouais, l'enfant c'est peut rester... À toi. C'est ça. Ça, c'est juste à toi. Puis très tôt, ils peuvent le comprendre. Puis très tôt, on peut expliquer au petit garçon que c'est à toi de laver ton pénis. C'est à toi de la faire, cette hygiène-là. Et il n'y a que toi qui peux le laver et t'es capable de le faire. Tu sais, c'est d'accompagner là-dedans dans l'heure du bain. Je veux dire, c'est pas malsain d'accompagner son enfant à l'heure du bain, d'être à côté, puis de diriger le bain, dans le fond, l'acte de se laver. C'est même fondamental, il faut le faire. Ça doit être fait parce que c'est un apprentissage comme n'importe quoi. L'hygiène fait partie de la vie. Mais aussi le lien avec son propre corps, c'est pas à moi à laver ta vulve, à laver tes fesses. Je peux te donner un coup de main, je vais te donner la serviette, je vais te donner du savon, je vais t'expliquer comment le faire. Mais et tranquillement, la notion de « ben non, maintenant t'es grand, tu te laves tout seul, je suis en arrière de la porte, s'il y a un problème, je vais être là. » De laisser l'intimité. Oui, de laisser l'intimité, de la laisser se... Parce qu'il y a un moment où le jeune devient super pudique puis il veut pas que le parent oui, le voit se laver. Il faut le respecter. Ou... Ça. Et de respecter aussi que l'enfant n'a pas nécessairement à vivre ou à... Et ça pourrait être l'objet d'un débat, là. Mais pour ceux qui croient, exemple, au nudisme, ben, c'est des valeurs. Oui. Mais dans un système de valeurs qui est plus traditionnel, conventionnel, où normalement les adultes ne voient pas les enfants tout nus et surtout les enfants ne voient pas les adultes nus. Mais ben, toi, comment de respecter tu vois ces ça, enfants là-dessus aussi. Des parents qui diraient ben nous, on se promène tout nus chez nous, tu sais, de la douche à la chambre, puis tu sais, sans aller écouter un film. Familial nu, mais tu sais, qui se cache pas nécessairement pour aller de la chambre à la salle de bain ou. Puis ben, qu'il y a des enfants. Encore là, c'est un point de vue. C'est pas. Et c'est loin d'être un jugement, mais c'est uniquement un point de vue. Il y a différents points de vue théoriques qui divergent, notamment tout ce qui est analytique défavorise ça. Moi, je dirais à partir du moment où il y a de la communication avec son enfant. Si c'est dans mes valeurs, si pour moi, c'est pas grave que mes enfants me voient nus, même si pour moi, dans mes valeurs, c'est un peu, c'est même très contradictoire, là. Ben, mais faut que ça soit clair, faut que ça soit que c'est pas grave, que c'est naturel, qu'on est tous pareils, que papa, il est comme... fiston, puis que ma mère, elle est comme... C'est juste que un garçon, ben un jour, ça devient un homme. Et ainsi de suite. Il y a une façon de communiquer ces différences-là mm-hmm. ou ces actes-là. Par contre, et Pascal aurait davantage été apte à en parler, mais c'est l'impact d'une proximité comme ça où l'intimité devient plus élastique. Donc, de voir son parent nu, c'est une partie de son intimité qu'on livre. D'entrer dans la salle de bain pendant que l'enfant fait caca, ou l'inverse, de permettre aux enfants de venir quand on est à la toilette, ben c'est pas mal en soi. C'est juste différent au niveau des valeurs. Mm-hmm. Et c'est différent au niveau de la gestion de l'intimité également. Ben, mais de façon théorique et de façon très, très scientifique, je ne pourrais pas dire. Tout ce que je peux dire là, c'est des opinions, ouais, et des lectures que j'ai déjà faites. Fait que je me prononce pas. Je suis pas sexo- je ne suis pas sexologue. Rappelons-le. Je ne suis qu'un étudiant en psychologie. Sais, mais je trouvais ça quand même intéressant comme... Ben, je pense que même juste ce que je viens de dire là, ça peut faire l'objet de d'une émission. D'une émission, d'un débat. Oui, Natacha, je te laisse le loisir de faire ce que tu as à faire. De toute façon, c'est pas mal tout le temps qu'on a. Mais pour ceux que l'éducation à la sexualité chez les enfants, ça les intéresse. Pour ceux qui ont envie de parler de consentement et du lien qu'il peut y avoir entre le consentement et l'éducation à la sexualité chez nos propres enfants ou chez les enfants, ben je vous invite, bien sûr, à la conférence de lundi prochain. Moi, c'est sûr que je vais être là. Et moi, je vais être là. Donc, s'il y a des auditeurs que ça les intéresse, on vous accueille au pavillon Michel Sarrazin, ici à l'UQTR, à Trois-Rivières, bien entendu. On vous accueille à la salle Rodolphe Mathieu, c'est au deuxième étage. Vous aurez l'occasion d'avoir une double rencontre, c'est-à-dire la rencontre, oui, de l'étudiant en psychologie et peut-être en sexologie bientôt, mais aussi de l'animateur de radio et de l'animatrice de radio. Bien Natacha sûr. Et Pierre aussi sera là, donc toute l'équipe. On va signer des autographes. On va signer des autographes. Une table spéciale. Si hein? Ouais, c'est ça. Quoi? Justement, on sera là, tu vas être Mais si ça vous intéresse, on va être là. Puis ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Viens nous voir, viens nous rencontrer, dire que vous aimez ça, l'émission. Ou nous dire que vous n'aimez pas ça. Exact. Non, j'aime bien. On est peut-être nuls, puis écoute. Y a-tu des choses de nulles sur le site en disant Hey, un tel tabarnak, je ne veux pas l'entendre. Non. Non, mais il n'y a personne qui dit de vilain. De méchanceté. Non, sérieux? Non, t'es beau. Ils sont pas contents qu'ils changent. Mais c'est seulement pour Natacha, quand même, c'est ça. Non, mais restez au même poste, mais attendez une autre émission. OK. Fait que, sur ce, je cherche ma cote. Ta crotte? Hey, en passant, moi... Une nature pour nous en faire, oui, Pierre, vas-y. Non, tu as 10 secondes. Je veux rien à dire. Ah, tu comprends. Ah, par rapport à ça? Par rapport à toi, à ce que tu avais à dire, là. Ah, ben écoute, je t'en prends ça. OK. En 1904, une femme du nom de Sidonie Gabrielle, connue plus tard sous le nom de Colette, romancière et auteure des célèbres Claudine, a été la première femme à présenter un spectacle de musical où elle a montré sa peau sans qu'elle ne soit obligée d'enfiler un maillot de couleur chair pour sauver sa pudeur. Les années cancan ont fait place en 1907 à Jeanne Bourgeois, bien connue sous le nom de Miss Tinguette. Par son charme sensuel, le galbe parfait de ses jambes et son air coquin, elle était la reine incontestée du musical parisien. Elle a personnifié le temps des paillettes, des trucs à plumes et des costumes flamboyants qui s'ajoutaient d'une façon suggestive sur le corps de la femme. Tu sais, les trucs à paillettes là, qu'on voit au carnaval de Rio, puis hey, c'est vrai, c'est le carnaval de Rio. Et comme tu dis, toi, tu es allé au Moulin Rouge, mais ça, c'est elle qui a lancé ça, les années 1900. OK, bon. On arrête là. On arrête là. Moi, je t'avais donné une seconde, tu n'as pris 34. Mais c'est pas grave. Sur ce, revenez-vous la semaine prochaine de 10h à midi sur les ondes de C'est Fou 89.1. Bye-bye. Ça veut dire quoi? Je t'aime. Oh oui, je t'aime.